Man, j'ai mal au ventre. C'est incroyable. Mais pourquoi t'as mal au ventre, André? Parce qu'on est allé manger des sushis comme des astis de caron avant. Mais la question est, y étais-tu bon? T'es très bon. Non, ça t'a moins bon en sortant. C'était Ben, c'est vrai. Mm-hmm. Focus autour de la table, messieurs. On start ça live, là. Donc, mesdames et messieurs... Yo, focus, André, focus. Focus, asti. C'est la mienne. Ouais, 2017, on fait les choses comme du monde. C'est sérieux ce qui se passe autour de cette table-là. All right, guys. Personne va mourir cette année. Personne va mourir cette année pour la première fois en 4 ans. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion franco-québécoise, semi-ontarienne, on peut dire ça comme ça. Ouais, un corps ontarien. Un corps ontarien sur la culture populaire et impopulaire. Mon nom est André Paquette et accompagné ce soir d'Éric Hébert. Bonjour André, ça va bien? Oui, première fois en 2017 qu'on enregistre, Éric. Quand même, hein? Mais oui. Quand même, mais non la dernière. Je l'espère fortement. Comment qu'on se sent en 2017? Ben, moi, je me sens bien, en fait. Je suis bien content avec ça, là. Ben, des petits projets, des belles petites aventures. On s'amuse. C'est bon, ça. C'est bon. Accompagné également de Jonathan Milter. Oui, bonjour. Comment ça va, Joe? Très bien, très bien. Ton début d'année se passe bien? Bon, ouais, ben normal, là. Ouais. La routine, là. Rendu le 15... Hey, ça, c'est une affaire, je me demandais. Mettons le 15 janvier, là. Demain, c'est le 16. Demain, on retourne à la job. C'est toujours le même, ça on marche. Croise du monde. Tu dis plus bonne année. Tu dis plus bonne année, hein? C'est ça quand dépend, qu'on arrête de dire bonne année? Si tu les as pas vus avant, tu pourrais y dire. Non. Moi, j'ai dit bonne année à quelqu'un aujourd'hui parce que j'avais pas vu depuis un bout. Ouais, mais aujourd'hui, c'est la dernière journée limite. Ah, ok, d'accord. Qui est assez respectable. Après ça, là, ouf. Ouais. Tu penses qu'après, t'as le droit de leur cracher dans la face quand ils te disent ça, puis... C'est une règle, tu peux te faire un Stone Cold Stunner après avoir craché dans la face? Ça, c'est si tu as le dit en février. Okay. On a Sacha Lefebvre qui nous souhaite bonne année, les gars, présentement. Ben, bonne année, bonne Sacha. Bonne année, Sacha. Merci d'être avec nous. À la tienne, Sacha. Je le lève bien autre. Ta gigantesque coupole. Mon ballon. J'ai sorti mon ballon de vent. Et accompagné également de Guillaume Hamel. Oui, avec son ballon. Avec son ballon. J'ai sorti la grosse quille. Elle est vide. L'artillerie lourde. Elle est vide, mais il y a 3 litres. J'ai 800 millilitres dedans. C'est ça. Pour les grands événements, les grands moyens ou grands événements, c'est ce qu'on dit? Au grand mot, les grands moyens. Au grand mot, les grands moyens. Bah, écoute, regarde, les grands événements. Au grand ballon, les grands événements. Certainement. On en sortira un autre. Là. Grosse corvette, petite caquette. Celle-là, a fait. Ouais. On parlera pas de ce cadre conduit des fois l'été. Une petite caquette? Il ride sa petite caquette. Hey guys, on a un épisode spécial ce soir. Très spécial. Puis je trouve ça cool parce que là, il y a des gens qui nous écoutent puis ils font « Hey my God, ils ont bien pas d'énergie, ils sont bien pas dedans. » Ben nous autres, on vient de manger plein de sushis. Fait que ça, c'est notre excuse. Ben tu sais, c'est un peu ça, c'est « Bye bye 2017 ». Là, premièrement, il y a des fins renards observateurs qui vont dire « Hey, ils ont même pas fait de « Bye bye 2016 », pourquoi ils font « Bye bye 2017 » Ben, c'est parce qu'on est en 2017, puis on n'a pas fait le show de 2016, puis on va peut-être tisser des parallèles, on va finir le show aujourd'hui avec un peu un Nostradamus de nous-mêmes en faisant des prédictions pour 2017, donc on va faire un segment à la fin du show qui va être le Bye Bye 2017, qui va être nos prédictions de cette année. Mais avant tout, on a nos charmants auditeurs qui ont pris de leur précieux temps pour aller remplir un sondage qui était les auditeurs contre-attaque, le sondage de 2016 pour savoir plein de catégories. C'était quoi le meilleur jeu? C'était quoi la meilleure toune? C'était quoi le meilleur vidéo YouTube? C'était quoi le plus grand ci? C'est le plus grand ça? Blablabla. Très long à trier toutes les centaines de réponses qu'on a eues. Là. Exactement. Et on en est arrivé à un consensus où on a pris toutes ces réponses-là et on a réussi à fabriquer une pâle excuse d'émission qu'on va tenter de vous résumer en 1h30. Donc, ce soir, ben bye bye 2017 à la fin, mais bye bye 2016 au début, le 15 janvier. C'est l'après-party ce soir. C'est carrément, là, regarde, c'est plus le temps des fêtes, même si j'ai pas enlevé mes décorations de Noël qui sont en arrière parce que je suis paresseux et je travaille trop. Mais, d'un autre côté, c'est vrai, ça. C'est on en mange petit spout. On ne reçoit plus la famille. Tu là. Dis ça, hein, c'est drôle, mais Julie a fait un asti de gros spout le jour de l'an. Puis je pense qu'on en a encore pour un autre 2 mois. Du spout, c'est tellement bon, moi j'en mangerai à longueur d'année. Un petit brûlement de cœur par contre de cumin, mais ça shit happens. Ah, mais là, tu peux changer ta recette. Ben non, c'est du cumin. Ah. Ben, qui met pas de cumin dans un cipote? Moi. Mais toi, ton cipote, c'est juste de la viande puis de la pâte. Exactement. C'est ce que c'est supposé d'être. Mais aussi, juste pour parler un peu de qu'est-ce qu'on fait pour le 2016, 2017, c'est le fun aussi d'avoir un show de récapitulatif. Récapitulatif. Yes, sir. C'est ça. Recap. Un recap de 2016, une fois que 2016 est fini. Parce qu'il y a, comme, tu sais, il y a une semaine, il y a toujours la awkward semaine, qu'il y a du stock qui arrive, puis toutes les tops qui ont été faites de 2016, puis tout. Puis là, il y a Star Wars souvent, Rogue One qui sort. Mais c'est ça, puis c'est souvent comme un trou noir de l'année, parce que, à cause c'est pas 2017, ben, dans les shows de la fin de l'année de 2017, ben, ils vont pas parler de ces affaires-là. Puis, je sais pas, il y a quelqu'un qui est mort dans la semaine non plus. Qui est mort dans la dernière semaine? Il y a pas... Carrie Fisher, Debbie Reynolds. Et voilà, ouais, tu vois, le two for one. Et puis, vous avez vu un documentaire sur les deux en plus? Il y a une émission HBO qui était... Ouais! C'est-tu moi, il y a des producteurs chez HBO qui étaient comme... Ah... C'est-tu moi, HBO, ils ont quand même un défaut? Non, HBO, ils ont peut-être juste fait... I feel bad for saying it, but oh yeah. Ah, mais c'est clair qu'il y a quelqu'un à quelque part qui se réjouit malheureusement d'événements un peu comme plus fâcheux, là, mais... la maison de 10 de David Bowie. Malheureusement. Sans se réjouir, il pose. Ben, je pense que c'est un peu normal. Comme dit, ça, mais... c'est comme hier, on va en profiter, c'est le last stretch. Là, ben, c'est ça, tu sais. C'est le last stretch avant le prochain Greatest Hits, tu sais, comme qu'ils disent. Ouais, mais tu peux pas étirer ça des. En tout cas. D'après jusqu'à moi, combien de temps on peut étirer ça? C'est un moment donné, là, le David Bowie, moi je l'adore pis tout, là, mais c'est pas mes enfants qui vont être marqués par lui, malheureusement. Puis au pire, ils découvrent mes albums ou des films comme Labyrinthe sur le tard, c'est pas ça qu'ils vont transmettre à leurs enfants plus tard, puis ça va s'arrêter pas mal là. D'un autre côté, on est une génération qui a écouté du Led Zeppelin, qui a écouté ouais, mais sont aussi pas les morts. Films des années 80-70. Ils sont pas tous morts, mais... Puis on a grandi, nous, avec ces films-là. C'est pas comme des films ouais. des années 50, là. Mais sais-tu quoi? Moi, je pense que il y a des artistes intemporels. Puis, tu sais, Bowie, même s'il est mort l'année passée... Ce que je peux dire, ça va continuer pareil. Bowie, il a eu la mort la plus artistique de l'année. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Cet homme-là, là... Pis... parlait de lui qui mourait, en plus. Là. C'est assez méta. C'était très lourd, ça. Mais dans cette optique-là, justement, je vous invite à débuter notre très longue liste, la fastidieuse liste, qui va contenir tous nos nominés de l'année et les nominations des auditeurs aussi également. Donc, la première catégorie qu'on avait année après année, ben c'est les internets. Donc, tout ce qui englobe ce bourbier de l'éternel puanteur qu'est Internet, le trou noir, le trou de cul de la société. Je pense que c'est une référence à Laval. Les deux, écoute. David Bowie était Lavalois dans le fond de son âme. Donc, on va débuter avec le meilleur meme. Donc, meilleur meme pour 2016, je vais commencer à énumérer certains nominés par nos auditeurs. Donc, on a eu Spider-Man, c'est quand même mieux que le métro. Je pense que l'Internet... Je le connais pas, celle-là. Tu l'as pas vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, huit fois, dix fois? Non. D'accord. Ben écoute, je t'invite à aller voir la page de l'Internet et le découvrir. La page de l'Internet? L'Internet. J'ai aucune idée c'est quoi. Drake Dance. We are number one. Drake Dance, c'était pas 2015, ça? Ça se pourrait qu'il y ait des memes 2015 et on ne peut plus... Drake est un meme en lui-même. Parce que cette année, c'est le Sitting Drake. I don't give a shit. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui a comme répondu don't give a shit à bien des questions. Le mème d'Obama et de Biden. Oui, ça c'était drôle. Contre Trump. Ça, j'avoue que c'était fucking drôle. C'était drôle. On a eu Triggered. On a eu Sad Affleck. On a eu Fred Bastien comme meilleur mème 2016. Okay. Quelqu'un qui s'est trompé de colonne. Harambe en 2016. Ouais, Harambe, ça n'est un fort, ça. Le mème de Obama et Biden. Arnold. Le point, ça. Prankster Joe Biden est revenu une troisième fois. Harambe une deuxième fois. Mention spéciale à Sad Ben Affleck. Sad Ben Affleck qui revient pour une troisième fois. Donc, à date, on a un duel entre Joe Biden et Sad Ben Affleck. On a C'est quoi un mème, puis on a rien pantoute. C'est quoi est un mème, en effet? On pourrait dire que c'est un quoi mème radiophonique. Est un mème. Donc, guys, Sad Ben Affleck et... C'est le choix de nos auditeurs, ça? Le choix de nos auditeurs semble se reposer sur Sad Ben Affleck puis Joe Biden. Vous, c'était quoi vos choix cette année? Moi, un de mes préférés, ça serait Drake Sitting qui s'assied sur du stock. Drake Sitting. Qu'est-ce qu'on a utilisé le plus? Puis il y a Damn Daniel aussi qu'on n'a pas parlé de. Ah, c'est de la merde, ça. Damn Daniel! Ben, je veux juste dire. Oh, oui, mais c'est pourri. C'est du Snapchat. Donald Trump en général. Donald Trump est un meme. Contrairement à Fred Bastien, on n'a rien contre lui, mais... T'es pas un meme, Fred. Donald est un meme. Fred ne l'est pas. J'ai beaucoup utilisé le Triggered, moi. Triggered a été utilisé souvent. Moi, il y en a un qui est arrivé un peu plus tardivement dans l'année, mais que... C'est-tu quoi? Kermit. Le Inner Frog. Oui, le Inner Frog. Il a volé le show pas mal à la fin d'année parce qu'il était présent pas mal partout. Il y a la petite grenouille aussi. That Boy. Elle qui a été considérée par plusieurs news outlets comme étant le meme le plus survu, là, ce qui a eu la survie. That Boy, ça? Ouais, qui était juste too much. À un moment donné, t'es comme, OK, on est tanné. Ben, tu sais, That Boy, il est né en 2016 puis il est mort en 2016 pas mal aussi également. Mais dans les memes, moi, j'avais bien aimé, parce que moi, j'avais voté personnellement pour le Sad Ben Affleck, mais c'est parce que c'est un meme qui était très temporel à cause de la sortie du film, puis le timing était juste malade avec les gens qui ont fait le montage du zoom-in. Puis comme la face de Michael Phelps aussi était très, très, très temporel avec les Olympiques quand il était concentré, puis il y avait l'autre qui essayait de le déconcentrer. Il y a eu des très bons mimes générés avec ça. Ben, il y a eu beaucoup de bons contenus mimes. Moi, ce qui m'a remarqué, en fait, pas remarqué, mais ce qui m'a marqué cette année aussi, c'est j'ai mon père qui m'a montré des mimes. on est rendu là. On est rendu où les mimes vont être présents dans les courriels de job, dans les équipes. Moi, les mimes vont... Je pense que c'est l'éclosion du mime qui est sorti de son contenu. C'est que le mime est plus juste confiné à Internet. Le mime fait partie de la culture maintenant. Moi, j'aime que Pépé The Frog est un mime qui est devenu le symbole du alt-right movement aux États-Unis pendant un certain bout, genre, parce que plein de monde comprenait pas. Fait que Pépé était banni dans les écoles puis des affaires. Donc, c'était ridicule. Mais c'était carrément. Y a-tu des courses à mimes encore qui se font? Parce que là, moi ma mime game. Ouais, comme c'est rendu maintenant avec ton téléphone, là, t'es quand même full equip, là, pis tu sais, tu peux fabriquer un mime très vite. Il faut là. Que tu le create, le mime. C'est ça l'affaire. Mais je pense que tout le monde peut le faire facilement, ouais. Là, fait qu'il y en a plein. Il y a des meme wars, là. Ben, on s'entend que le mime a outrepassé un phénomène de sous-culture. Ben c'est ouais. Rendu carrément un phénomène c'est culturel. C'est un hobby des jeunes de collectionner des mimes. Tu sais, parce que je me souviens, là, les premiers bye-bye qu'on faisait, puis quand on faisait les choix des auditeurs, justement, on parlait de mimes parler de mimes dans un épisode audiophonique, c'est assez difficile, surtout quand les gens connaissent pas ça. Really? Ouais. Ouais. Oh, really? Ouais. C'est ce qu'on a Really? Ouais. Oh, really? Ouais. Oh, really? Ouais. Ouais. Member? Member Toto? Oh, really? Ça, c'est un bon meme aussi. Ben, les Member Berries? C'est pas un meme, mais c'est une joke de South Park dans un sens, mais... C'est un bon moment de télévision, je trouve. Fait que le meilleur meme de l'année, ben, selon les auditeurs, ça va être un duel entre Sad Affleck puis Joe Biden. Selon nous autres, ben, on n'a pas vraiment de choix à vous proposer. Je pense que ben, moi, je dis qu'on oublie, chacun personnel, oublie Sad Affleck puis remplace-les avec... avec Sad Narcos, là. Ou Sad Keanu. Sad Pablo Escobar. Ah, Pablo Escobar, j'avoue que avec il a volé le show. Mais n'importe quel Sad est bon dans le sens que... Genre crying Michael Jordan. Ça se place bien, là. Ouais, je pense que pour un meme, tu sais, la raison pourquoi j'ai parlé aussi du Inner Kermit tantôt, c'est que un genre de meme comme ça, soit un meme triste qui représente quelque chose, ou un meme comme le Inner Kermit, tout le monde peut se rassocier à ça. Ouais. Donc, c'est pas une situation spécifique, c'est un current mood, c'est un mindset. Fait que le meme game, il a augmenté en 2016. Moi, je dirais, collectivement, quand je mettais je faisais les notes pour l'épisode de ce soir, un qui me revenait beaucoup, c'est à quel point Harambee, en tout cas pour le Geek Collectif, là, ça a été mentionné, je pense, tout au long de l'année. Il y a toujours un épisode où on sortait, ou dans nos communications, nous, c'est à l'intérieur. C'est juste un gorille, là, on peut. Ouais, mais l'aspect, genre, tout au long de l'année, il y a tough. Et puis, tu sais, le fameux, pas besoin de le répéter, là, le fameux slogan de Harambee qui a été répété à maintes reprises. Dicks out? Exactement. Dicks out. A été présent dans plusieurs communications, a été dans différents contextes aussi. Donc, je pense, moi, personnellement, je trouvais que c'est celui qui a peut-être été le plus utilisé à l'intérieur du collectif. Pour le mieux et pour le meilleur et pour le pire. Pas juste au collectif, je pense, tu sais. Harambee, c'est un super meme, là. Tu sais, ça s'est élevé à un statut où on le prend peut-être pour acquis un peu. Harambee. Parce qu'on a pris le meme d'Harambee pour acquis parce que, tu sais, on est là. Bon, ben, il y a des nouveaux memes, puis on essaie de trouver le meme obscur que. Pas tu sais, que le monde connaisse un peu, mais Harambee, j'avoue que c'est un point culminant de l'année 2016. Écoute, le pauvre gorille. Moi, c'est les ralliements autour de ça, des fois, que je trouve drôle, tu sais, que le meme culture est prête à descendre dans la rue pour manifester en joke. Genre, la marche est devenue une grosse joke, puis c'est comme, c'est quoi qu'ils font? Ils manifestent pour un gorille. Ben, je pense que, tu sais, la bêtise humaine était déjà une grosse joke à la base dans cet événement-là. Là. Ouais, ok, Guillaume, t'apportes un point intéressant. Fait que, guys, meme 2016, ça serait quoi? Harambee, Sad Affleck, Joe Biden. Ben, c'est Harambee, là. Ouais. Triste à dire. On va le dire, là. Très triste. C'est comme, triste. Comment de mouvements qui ont sorti d'Excel. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'était un meme d'une personnalité, de quelque chose qui meurt. Pour représenter 2016. Non, c'est un mime de. Non, mais. C'est un mime d'un enfant qui se sauve à la vie. Ouais. Oui, mais on s'attend à un gorille est mort. Puis 2016, l'espoir. Qu'est-ce qui a marqué 2016? C'est. Sauver la vie d'un enfant. Mais sérieux, là, c'est ça, je m'en dis. Shotter le gorille. Tous les gorilles qu'il faut rester pour sauver des enfants, on s'en calisse, là. Sérieux, excuse, là, mais. Ils disent, mon kid tombe dans une cage à gorille, tirez-le. Puis fait comme tous les autres gorilles qui sont loin, qui dorment, là. C'est comme. C'est la moindre logique des choses. Tu fais ton alpha male, tu sais, comme l'Australien qui a sauvé son chien. Ouais, tu jump en bas, tu punches dans la face, puis tu pars en courant. Fait que c'est la fin du segment meme. Personnalité web, guys, selon les internets, selon nos auditeurs, on a eu PewDiePie, H3 Production. PewDiePie une deuxième fois, Don't Give a Shit, d'une personne très considérée. Quelqu'un avait Give a Shit Production. Rosanna Pacino. Quelqu'un sait c'est qui Rosanna Pacino? Je dis ça dans pas long. Guillaume va nous dire ça dans pas long. PewDiePie une quatrième fois. Meg Turney. Fred Bastien. Danny O'Dwyer. J'espère que je le prononce comme oui, il faut. Oui, très bien. Olivier Primo, Mike Ward et le petit Jérémy. Tales from the Click. Oh. Greg Miller. Donald Trump. Le Péril Jaune. Ça, je connais pas ça, le Péril Jaune. Moi non plus. C'est quoi, c'est quand tu fais pipi pis ça chauffe? Peut-être. Donc la jaunisse. Jeff Gertzman. Fait que, guys, ça c'est les choix. C'est un beau cas, Jeff Gertzman. On s'entend que notre auditoire ont quand même un penchant pour PewDiePie qui est ressorti beaucoup. Ouais, fuck that, là. Fait qu'on l'enlève tout de suite. Là, on parle-tu des vrais personnalités web? Juste répondre à la question d'André. Rosanna Pacino est une YouTuber baker. Elle fait en fait pâtisserie sur YouTube. Et elle a un cooking show qui s'appelle Nerdy Nummies. Et on parle d'environ 7,5 millions de subscribers en date du 27 décembre 2016. C'est-tu elle qui se fesse la face dans du pain sur Instagram? Je pense pas. Parce qu'elle a pas de l'air. Elle a l'air d'une petite fille bien tranquille, là. Bien petite fille à maman. Puis elle a l'air. Ça a l'air d'une Marilou américaine. Oh boy. Mais nerdy. Fait qu'elle boit du verre. Peut-être pas tant que ça. Mais là, on s'entend, je me fie sur la première page de son site. Il faudrait que je regarde, là. Elle a fait des. Elle a l'air à bien gérer la game Internet, là. Bon, ben, je pense qu'on vient de découvrir l'émission de cuisine de Rosanna Pacino. Fait que vous autres, guys, personnalité web 2016. Ben. Tu dis fuck PewDiePie, mais. Il a fait des affaires quand même cool cette année. Il a vraiment fait un gros troll. Un solide troll avec la fermeture de sa chaîne YouTube. Le coming out à l'attaque de YouTube qui fuck les algorithmes. Ouais. Puis il a sorti quand même un jeu, là. Ouais, ouais. Peut-être à Montréal. Shout out to Nethermind. Moi, je pense, tu sais, ils ont quand même du sens. Par contre, vous autres, c'est qui votre personnalité web 2016? Moi, ça serait Donald Trump. Ouais. Il a killé le Twitter game cette année. En fait, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que il a politisé. Comme je dis pas que Twitter s'était jamais politisé déjà, mais ça l'avait jamais été utilisé à ça. Comme j'ai jamais vu autant de news, tu sais, des médias respectables parler d'un tweet d'un dude que pendant des années on pensait que c'était une joke sans arrêt que t'as pas donné au premier ministre, au président. Pis là, t'es tenté de regarder, genre, je sais pas moi, le matin CBC News, pis t'entends genre comme des allégations de Trump, de ci, de ça, de ça. Trump a répondu avec un tweet à 1h du matin, c'est de la merde, c'est triste. Pis je trouvais ça vraiment weird qu'on était rendu... Je trouvais qu'on était weird qu'on était rendu en game politique. Ben moi, tu vois, qu'est-ce que je trouve weird surtout, c'est... Come on, il a posté ça à 1h du matin, là. Fait que le gars, là, à 1h du matin, il se réveille pis il vous vomit des insanités incohérentes, incroyables. Pis Trump, là, juste parce que j'étais à la même place que toi, moi, c'est une de mes personnalités web 2016, c'est sûr et certain. Ben, c'est il y a un tweet de Trump qui s'est ramassé, imprimé, pis c'est Bernie Sanders qui a amené une pancarte d'un tweet de Trump imprimé. Puis ça, c'était son argument, là, tu sais, on est à 2 degrés de la Chewbacca technique dans South Park, là. Ben, Hillary Clinton, pendant les débats, citait des tweets de Trump, alors que, tu sais, Trump disait « J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça », puis elle dit « On this, you said that, on this date, you said that », puis là, ouais, c'est ça, épais, moi aussi, gars. Personnellement, Donald Trump, pour l'impact de son œuvre mérite, selon moi, la personnalité web de l'année. Ouais. Parce qu'il était aussi mentionné dans nos memes. On a eu énormément de memes à cause du toupet de Donald Trump, avec les photos de Donald Trump. Le drunk talk, tu sais, slow motion, drunk. Ah, Trump ça, c'était talking, malade. Là, qu'il y avait, ou l'accordéon dans ses l'accordéon. Mains. Il est la source de beaucoup. Puis malheureusement, c'est triste peut-être pour les autres personnes qui mériteraient d'être mentionnées. On s'entend, moi, dans mes recherches, là, j'ai vu que DJ Khaled était quelqu'un qui a overtake sur Snapchat. Je l'ai unfollowé tellement qu'il gosse. Il y a aussi Soul Pancake, qui est un channel YouTube, qui est Kid President, qui est un sujet quand même, qui est un channel que je trouve intéressant, qui apporte des sujets super sérieux, mais que c'est comme un petit kid noir qui joue comme le président puis qui parle d'enjeux sociaux intéressants. On a parlé de PewDiePie. Il y a aussi des gens sur Instagram qui ont explosé ou sur Vine, feu Vine, là, parce qu'on s'entend Vine est mort. Il y a eu beaucoup de gens qui méritaient d'être mentionnés, mais malheureusement, all hell Trump. Ouais, il y a non, mais Trump. Mais il y a Trump pour moi, mais je mettrais aussi, il y a quelqu'un qui a droppé Tales from the Click, là, que je trouve ça bien. Ouais. Si il y a quelqu'un qui écoute le show, je le souhaite. Là. Non, moi, il y en a mais, eu beaucoup. Mais Tales from the Click, j'aime, parce que c'est la personnalité web, une des deux personnalité web qu'on a eu sur le show. Ouais, exactement. Puis c'était C'était Fred Bastien, non? C'est vrai. Mais avec Terre sur le clip, JB, puis sur sa chaîne, il a vraiment fait un sale travail là-dessus que je trouve que c'est le fun de voir des chaînes. Son nouveau projet Video Store aussi. Puis avec le nouveau projet Video Store qui commence. Ouais, ça fait un peu Clerks, là, Video Store. Ce que j'aime, c'est que c'est des chaînes de contenu intelligent qui marche. Ouais. On se rappellera toujours, il y a plusieurs épisodes, là, on avait parlé dans le temps avec Jason Luc et Matt Bonin, puis les deux avaient eu un peu le même consensus qui disait que malheureusement, dans certains marchés, ici au Québec, si tu faisais des trucs qui étaient plus sérieux, ça pognait pas, puis on était un marché un peu restreint, c'est que là, c'est pour ça un peu qu'il allait vers les trucs ultra faciles, là, tu sais, un peu les jokes, les niaiseries. Ouais, mais tu sais, le premier degré, là, tu sais, ce qu'on, des fois, on appelle rapidement le pipi caca poil, là, c'est-à-dire, tu sais, les jokes vraiment niaiseuses, parce que c'est ça qui faisait réagir, c'est ça qui faisait des views. Puis, étant donné qu'ils ne vivent que par ça, ben, il n'y avait pas le choix de travailler pour ça. Tandis que là, on a avec JB, justement, c'est quelque chose de super sérieux, super. Tu sais, c'est le fun, c'est pas lourd, là. Ça s'écoute super bien, mais c'est quelque chose qui est recherché, c'est quelque chose qui met un beau travail. Puis tant mieux si ça réussit. Puis moi, en tout cas, je commence ça dans mes souhaits 2017, tu sais. Puis on l'a vu avec Fred Bastien aussi. C'est ça que j'aime beaucoup de Fred dans son travail. C'est que il y a un niveau, c'est pas lourd, c'est léger à l'écoute, mais il y a toujours du sérieux en arrière de ce qu'il fait. Tu sais, ça vaut la peine justement que les gens qui travaillent dans ces sphères-là mettre un effort pour justement essayer de pas niveler par le bas puis de pousser par en haut. Puis il va en avoir de plus en plus, selon moi. Ben, tu sais, un peu dans cette catégorie-là, parce qu'on va pouvoir faire du coq à l'âne, mais sauter de meilleures vidéos YouTube à personnalité web québécoise. Mais tu viens de parler de Fred Bastien. Fred Bastien, c'est un nom de personnalité web québécoise qui est sorti beaucoup dans nos auditeurs. Puis moi, personnellement, c'est mon choix aussi également. Pour la personnalité que c'est parce web qu'on québécoise. Leur a fait découvrir Fred ben avec écoute, l'épisode? Peut-être que certains de nos auditeurs l'ont découvert, mais sais-tu quoi? Fred, pour moi, la raison pourquoi c'est une personnalité web québécoise 2016, c'est que c'est pas parce qu'il est partout, c'est parce qu'il est capable d'avoir l'énergie, puis la force, puis la drive d'être partout. Radio-Canada, il entretient ses chaînes, il travaille avec... Olympiques. Il est aux Olympiques, il est partout. Puis, tu sais, c'est un gars qui a même pris le temps de venir nous encourager dans notre projet, puis jaser avec nous autres. C'est un gars qui prend le temps d'aider plein d'autres projets. Puis il fait pas le contenu de marde. Là, puis il fait du beau contenu. C'est le fun à voir. Écoute, tu sais, j'ai vu, là, il y a une vidéo, allez sur la chaîne de Fred Bastien, puis... Je vais essayer de retrouver le lien puis de le publier, là. Mais il y a une vidéo, c'est une journée un peu dans sa vie. Puis il se promène, puis il a son petit skate, puis il est comme, hey, là, faut que je me grouille, faut que j'aille à Radio-Canada donner une entrevue, puis là, faut que j'aille à telle place. Mais c'est très cute, Casey Neistat. Ouais, je m'en avais dit, ça, c'est du Casey Neistat. Mais il l'a dit aussi quand il était venu ici, que Casey Neistat, c'est l'inspiration de bon nombre de YouTubers en général, là. On s'entend, il a créé un style de vlog, un style de méthode de travail. J'ai toujours pensé que ce style-là, par contre, il était dépendant sur la technologie. Un peu. Fait mais c'est Casey Neistat qui l'a vraiment maîtrisé. Il y a du monde qui le faisait avant lui, mais lui, il l'a comme peaufiné, il l'a mis comme... Il fait beau. Moi, je trouve que... Ouais, ça, puis, je suis d'accord, il l'a mis beau. Fred, il y a beau, les talents là, mais... aussi. Il y a vraiment les talents mais de c'est mon frère. C'est parce ouais. que ce vidéo-là, outre l'inspiration, la drive, puis whatever, c'est que... Il y a bien du monde qui se disent... Ah, tu vas être un YouTube channel qui a du succès. T'es assis sur ton sofa à manger des Doritos, puis un moment donné, tu te lèves, tu filmes de quoi, puis tu retournes te coucher, puis ça arrête là. Non. Ce gars-là, il est partout en même temps. Il drive au bout. C'est intelligent ce qu'il dit. Moi, c'est ma personnalité web. Si jamais, pose, là, 2016. Si un petit défi, là, avec quiconque qui nous écoute en ce moment ou dans le futur, si vous jamais vous croisez Fred Bastien dans un événement quelconque, soyez poli et demandez-lui, « Hey, Fred, j'écoutais le Geek Collectif et ils m'ont dit, peux-tu me montrer ton Google Calendar? » Ça vous allez tomber sur le cul. Ce gars-là a un Google Calendar, je pense qu'il y a comme un Google Calendar dans son Google Calendar. C'est juste too much. Ben c'est génial, il mérite son mais succès. Il n'y a pas le choix parce que pour être organisé dans plusieurs projets puis en étant travailleur autonome comme il l'est, là, c'est la clé du succès. Là, moi, je rêve d'être aussi organisé que lui un jour. Mention spéciale de nos auditeurs, on a eu Gab Jonca, Denis Talbot, Fred Bastien, sûrement Milter, Gab Jonca, malheureusement Murphy Cooper, Milter, Fred Bastien. Murphy était très présent cette année, par exemple. Il a été présent, Murphy, cette année, mais... La technique commence à être... Ben, sais-tu quoi? Non, je pense que sa technique est aussi bonne qu'auparavant. La seule affaire, c'est que... C'est le contenu qui change, qui irrite plus de gens. Ben, sais-tu quoi? C'est même pas son contenu, c'est même pas sa technique. Je pense que c'est juste le monde commence à se tanner. Ouais, mais c'est ça, je voulais dire, c'est épuisé un peu. Mais encore, il y a eu un de ses plus gros vidéos dernièrement, plus que celle de Pauline Marois qui avait vendu le fleuve. Il y a eu des menaces pis tout parce qu'il s'est fait passer. Ça, c'est ridicule. Imagine l'image de Murphy Cooper que t'as, là. Mm-hmm. Avec les studs dans le cou, tout, les futuristes. Puis il dit dans une vidéo qu'il est un professeur au primaire pis qu'il veut pas fêter Noël dans la classe parce qu'il trouve ça cave pis qu'il veut forcer les enfants à porter une burqa toute la journée. Pis c'était pour manifester qu'il... contre les coupes de subventions, ou je sais pas quoi. Puis il y a eu des menaces de mort, des professeurs qui ont écrit que comme quoi c'est un cave puis qu'il fait sa job parce qu'il aime les enfants, pas parce qu'il veut faire des points au gouvernement. Puis c'est comme voir que tu penses vraiment que ce dude-là est un professeur. Mais ce vidéo-là m'a fait énormément penser à ton vidéo que tu avais fait dans ton char il y a deux ans, à peu près, dans le temps des... Mais moi, je me faisais pas passer pour un professeur. Non, mais les gens qui voyaient pas justement le secondaire. Mais est-ce qu'à ce moment-là... Je trouve ça plus flagrant pour lui, en plus. Ben, je reviens un peu à ça. Est-ce que le monde a encore besoin d'un Murphy Cooper en 2017? Parce que, lui, il est déjà en 2018, par exemple. Lui, il est déjà rendu trop loin, puis c'est dur à suivre, mais en tout cas, fait que malheureusement, Murphy Cooper, selon un de nos auditeurs... Ah, il a vraiment mis malheureusement... Le mot malheureusement est là, puis c'est pas l'opinion nécessairement du collectif, mais... Shout-out à Maxime. Le pêche, il est cool. Dans ses, on a eu Madiba, Maxime Stéphanie qui... Harvey, qui est la personne la plus intelligente du Canada, selon... En effet. Ça, je l'ai pas catché. Quand j'ai vu ça, j'ai pas voulu trop en mettre. Fred Bastien, guise de Pessimier. Et désolé, je ne connais pas à part André. Ça, merci. Je sais pas c'est qui, mais en c'est tout cas. Pas toi qui parlais, c'est un autre André. Ah, ok. André bon. Sauvé. André de Charme. André de Charme. Exactement. Le gars, il trippe sur le voice-over d'un souper presque parfait. Fait que, tu sais, en réalité, là, je pense, quand je parlais de Fred Bastien, écoute, il est pas mal partout cette année, puis il mérite son titre. Meilleure vidéo YouTube québécois. On a eu Radio Talbot, ma démo d'humour. Allez la voir, s'il vous plaît. Ça serait bien qu'il nous dise c'est ça, qui. On va qui? Savoir c'est qui à la fin. On a sûrement Milter. Dirty Talk de Six Senses. Oui, ça, c'est drôle en Christ. Ça, j'ai pas vu ça. Ça, c'est Dylan Demers, Jonathan Laberge et Carlos Desjardins, des petits swag fags du Québec, genre. Jonathan Laberge? Ouais, pas le Laberge. Pas Joe Lab, Jonathan Laberge. OK. En tout cas, c'est un petit. C'est pas le même que tu penses, Guillaume. Mais c'est pissant, là. Ils font une toune, puis les autres sont sérieux, c'est ça qui est pissant. C'est comme des petits gars de, on dirait, 17-18 ans dans un club avec des filles qui se shake le cul. Ils chantent vraiment mal en anglais, un genre de pop rap. Puis à 2-3 reprises, dans des verses dans tune, c'est carrément des verses américains pris genre d'Ariana Grande ou des affaires de même. Boy. Puis mot pour mot, là, puis il y a même du monde qui ont pris le vidéo, là, du monde qui font des mimes québécois, genre, là, qui est devenu forte cette année, la game du mime québécois. Ben là. Oui. Mais eux autres, ils ont pris les vidéos, puis ils ont mis au même moment les verses, genre, en vidéo de l'autre personne, puis tout. Puis c'est comme, voyons donc, il y a un gars qui a pris 15 minutes. J'ai le goût de voir ça, c'est ça. Je te le montrerai après. Dirty Talk. The Six Senses. En un mot, puis ça, c'est drôle. Six Senses. On a également en nomination Fred Bastien pour l'ensemble de son œuvre. Moi, un vidéo qui m'a marqué beaucoup, c'est la dinde noire. La dinde noire qui chie sur le Lazy Boy. Puis la madame qui est détruite. Est traumatisée. J'aimerais dire aussi que j'ai fait partie un petit peu de la propagation de ce vidéo-là. Ça, Éric, t'as été très actif dans la propagation. J'ai été très actif sur celle-là. Éric, t'as été cité par quelques médias de masse cette année. Mais celle-là, la clique du plateau. La clique du plateau qui avait partagé la dinde noire. La dinde noire, j'avais vu le matin, le premier reportage à genre 8h du matin. Puis j'ai écrit ça sur Facebook, mais moi, j'aime je suis sûr que j'étais pas le seul qui a fait ça, là. Hein? Moi, j'aime que tu filmes ta TV. Moi, j'aime ça, c'est très méta. Mais c'était spécial, ça, là, quand on a vu ça, là. Beatdown, épisode 20, je sais pas c'est quoi. Phrase épique 2016. Il était tight, très cette année, bon, les phrases épiques de 2016. Mais tu sais, c'est poche. La vidéo est excellente, mais c'est poche qu'il soit... Excellent. Le meilleur vidéo c'est de ça. L'année, tu sais, c'est... Ben, c'est parce que c'est un ensemble des meilleures vidéos c'est ça, de l'année. C'est... Fait... Tu peux pas être awesome. C'est ça. Non, je partage ton opinion. Star Wars Rap, Fred Bastien, Gab Jonka. Ouais. Ça, c'était fucking tight. Honnêtement, Star Wars Rap était très bon. C'était tight, ouais. Ben, moi, j'irais à dire que tous les raps de Gab qu'il a fait cette année, il en a fait un Snapchat aussi, là, avec GMC pis tout, là, pis... Il a été créatif. Honnêtement, là, je pense... Snap Girl ou quelque chose de même, là. Snap Queen. Fred était ma personnalité web 2016, mais Gab était fucking proche parce qu'il a innové, puis justement faire des raps avec du Snapchat pis des affaires de même là. Non, c'était quand même intéressant, puis ça une vidéo de Pokémon Go puis ben c'est ça là. L'intégrale des pubs de François Bellefeuille. J'avoue que les pubs de François Bellefeuille étaient quand même assez cool aussi. Tu sais, regarde, il reste encore des étiquettes, fait que j'ai vendu le restant de ma pub à tel gars qui fait des chaussures à la tuque, tu sais. Fait que ça, c'était quand même bien. Les têtes à claque. What? OK. Il veut faire une blague, là. Bienvenue en 2005. Fait que c'est bon. OK. Fait que on a Sacha Lefebvre qui nous mentionne que Beatdown, épisode 20, c'est Wonder Woman versus Wolverine. Superpower Beatdown. Mais c'est du québécois, ça, Sacha. C'est ça la question. Donc, épisode de meilleure vidéo YouTube québécois. Vous autres, y a-tu quelque chose que vous vient en tête? Malek, le Star Wars rap, moi. Star Wars rap? Ouais. Non, moi, ça serait là, je m'en souviens, le Snap Queen. Snap Queen. C'est très bon. Fait que c'est Gab, dans le fond. Star Wars rap, c'est une coproduction Gab et Fred. Ouais, je sais. Mais Gab et Fred. C'était crew, là. Ouais. C'était gang, okay, là. Fait qu'on y va avec ça. Meilleur site internet, on a Twitch, alpha42.net, Reddit, pas YouTube en tout cas, Facebook, Reddit, Fred Bastien, on a tout ça pour de vrai. Geeks Are Sexy, Giant Bum, The TV Addict, Pinterest, Lifehacker, Inside Abbey Road, Kickstarter, Contine Barbare, Giant Bob. Guy étant notre gourou du web. Excusez-moi. Alpha 42. Meilleur site web de 2016. Abbey Road, c'était mon vote en passant. Et okay. La raison pourquoi je l'ai mis, je suis pas un fan des Beatles, mais c'est que c'est Google qui ont financé ce projet-là. Ok. Je vous invite de faire une recherche sur ça. C'est assez malade. C'est un genre de mélange de Google Street View dans les studios d'Abbey Road à Londres. Et on peut aussi, comme il y a des applications là-dedans, tu peux faire comme des petits mix. Technologiquement parlant, c'est vraiment débile. Si t'es un fan des Beatles, c'est un plus encore. Sinon, honnêtement, il n'y a rien de nouveau en 2016 qui a volé la question. De nos jours, en 2016, là, est-ce qu'on peut parler de groupe Facebook comme étant un site web? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est une plateforme. Pas un site web, c'est un groupe sur un site web. Parce que le site web serait Facebook, mais le groupe est un subreddit. Non, je commence à penser quasiment comme que le Facebook, c'est quasiment comme un furteur. Un navigateur. Un navigateur, ouais. Mais ça, c'est ton côté qui aime théoriser beaucoup là-dessus. Ben, c'est normal. Mais dans la vraie nomenclature, le site web serait Facebook. Mais tu pourrais dire que, selon toi, Facebook, c'est le site de 2016. Non, mais Facebook, c'est le site de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Non, laisse-le finir, c'est important. 2016. Merci. 2017. Ah, ben oui, pourquoi pas, 2017 aussi. Bon, les grosses prédictions à Guillaume. Donc, sur ces paroles de sagesse, Abbey Road, moi, ça me rend curieux, ça. J'ai allez-y, normalement, ça vaut la peine parce que c'est nouveau. En fait, ça a été créé en 2016 pour le je sais pas combien-tième anniversaire de tout ça. Puis c'est quelque chose qui vaut la peine, justement, à découvrir. Mais on a eu deux fois Giant Bomb dans nos choix. Giant Bomb, c'était c'est pas un nouveau site. On s'entend, on va pas être trop anal sur les règlements, là. Je veux dire, c'est pas un site qui a été inventé, créé en 2016. C'est-tu vraiment le nouveau site 2016? Non, il y en a. Ben, c'était le site de l'année 2016. Mais on pourrait dire, je serais prêt à leur laisser, là. Il mérite du love, là. Bon, ben. Il y a plus de love que, en tout cas, Kind of Funny, ça, c'est sûr. Allons-y avec ça. Donc, pour la guise du temps, messieurs, on va donc enchaîner meilleure application iOS ou Android. Selon nos auditeurs, les nominés cette année sont Super Mario Run, Pocket Cast, Pokémon Go, Facebook, point d'interrogation, Tuber PewDiePie, Snapchat, Pokémon Go, Instagram, Star Wars Galaxy of Heroes, Instagram, Super Mario Run, Brisement, 9 gag, Pokémon Go et Do Sex Go. Mais Pokémon Go gagne cette année sans aucun doute. Mais il faut faire attention, on parle d'application et non de jeu. Non, c'est une application. Ah, fait que là, c'est un jeu. Parce qu'on a une catégorie jeu mobile. Ben, c'est du quoi? Moi, je le rentrais dans les deux. Non, mais si on va dans l'application, je trouve que Prisma a fait une belle apparition cette année. Ben, du monde qui ont utilisé l'application. Oui, Prisma a été assez malade. Puis il s'est rendu maintenant un réseau social, hein, Prisma. Secrètement, là, c'est devenu un réseau social aussi. Hein. Oui, comme Viesco essayait de faire depuis des années, mais que le contenu de Prisma se retrouve sur Instagram. Mais on a parlé de prédiction tantôt. Non, mais maintenant, quand tu allumes Prisma, là, t'as carrément. Comme, en fait, c'est weird, je dirais ça cette année, là, mais moi, il y a beaucoup d'applications que j'utilise. Genre, PhotoGrid, c'est une des applications préférées. Je pourrais le nominer comme application de l'année pour moi. Mais PhotoGrid et Prisma, c'est deux applications que j'ai vu commencer comme un outil et devenir un réseau social. Ça, je trouvais ça spécial. C'est un trend de cette année, ça, où tu avais un outil comme de photo. Mais tu sais pourquoi? Ils veulent se faire acheter. Ouais, ça, je comprends. Mais c'était intéressant de voir ça, sérieux. Là, Mais c'est un Viesco parce que, honnêtement, c'est la même gamique que ça. Que ouais, deux, mais Viesco, c'est parce que Viesco. Tu shares tes photos direct dessus, tu peux follow du monde. Fait que tu sais, c'est un peu la même gamique où, puis j'étais un peu à la même place que Guillaume où c'est des beaux concepts, c'est des belles affaires. Puis je suis d'accord avec toi que Prisma, honnêtement, c'est une des applications de 2016 qui a eu beaucoup d'influence. Ouais. mais je pense que c'est pas pour son aspect média social. Mais j'aimerais dire que j'ai aucunement dit que c'était l'aspect principal. Non, c'est ça. Je faisais juste mettre un footnote que c'était une transformation que j'ai vu des applications faire cette année, mais c'était drôle de voir arriver. C'est drôle de voir outils transférer en réseaux sociaux. Pas que c'est bon ou non. On dirait qu'ils l'essayent tout justement dans le but. Depuis que le Instagram buyout s'est fait, t'sais, surtout les applications photographiques, on dirait qu'ils essayent tout d'avoir un peu cette petite gamique-là. Peux-tu parler du plus gros app fail d'abord dans ce cas-là? Certainement. La app qui a refusé d'être achetée par Facebook. Quelle? Snapchat. Ah, ouais. Snapchat, puis étrangement, attends, Instagram Stories, les filtres sur les Instagram Stories. Pareil. Ils s'en calissent tellement. Hier, on faisait un live. Mais c'est comme les masques. Hier, je faisais un live Facebook avec ma caméra chez Papa Cassette. Là, on faisait des jeux vidéo. Puis en partant le live, j'avais vu qu'il avait changé un peu déjà. Puis t'as des masques dans le live maintenant. Ouais. Mais ça, tu savais que Facebook Messenger maintenant a des masques comme Snapchat. Mais Facebook Messenger qui devient Snapchat aussi. Puis là, après ça, il est dans les lives et Facebook a fait un fork qu'on appelle en langage de la technologie là, qui s'appelle Mascarade. Mais ils l'ont acheté, Mascarade. Même MSQRD. QRD, ouais. Ça, c'était la folie des masques. Ben, c'est rendu Facebook maintenant. Quand tu checks, si tu fais une recherche là-dessus, c'est marqué by Facebook. Puis c'est de là que c'est devenu, ils ont pris la technologie, ils l'ont intégré dans Facebook Messenger. Mais je pense que quand ils ont essayé d'acheter Snapchat, que ça n'a pas marché, c'est Masquerade qui ont acheté. Puis Masquerade, il y avait la technologie, puis c'était la grosse technologie, là, les face swaps, tout ça. Puis pour l'avoir testé, personnellement, je trouve qu'elle est meilleure que celle de Snapchat. Ben, oui. Parlons un peu justement des fails. Mais ils ont-tu des snap glasses, excusez. Ben, les spectacles. Puis Milter, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais c'était un peu ça, c'est... Le gros phénomène des spectacles avec la petite machine distributrice qui fait le tour du globe pour vendre des lunettes à 129$ de Snapchat. Et Snapchat, ils ont quand même eu leur attrait. Il y a quand même beaucoup de monde autour de moi qui l'utilise encore. Oui. Mais on dirait que ça commence justement à ralentir. Puis je sais pas, tu sais, le retour sur investissement des spectacles puis le monde qui vont les acheter pour aller à Oshiaga puis des affaires de même puis le kit puis aller à Burning Man aux States. Là. C'est cool, ça. Ben, c'est cool, mais ça va. Moi, ça va juste se faire acheter pour aller ailleurs bientôt. What's next? Ça dépend, ils veulent pas vendre. Fait ouais, que... mais ils vont vendre quand ils vont voir que ça dégringole tranquillement. Ça, c'est puis le pire. Ils vont vendre moins cher qu'ils auraient pu vendre plus cher. Exactement. Je trouve que c'est le pire fucking move que Snapchat aurait pu faire en 2016. Merci de l'avoir mentionné, Eric. Meilleur film, Guy. Oh, les films. Oh. Les films. C'est un sujet qui est très, très cher. Grosse catégorie. Avant de te céder la parole, je vais renoter les choix de nos auditeurs cette année. Donc, le meilleur film les plus 2016. Choix. On a Suicide Squad. On a Rogue One. Captain America Civil War. Fantastic Beasts. Rogue One. Doctor Strange. Star Wars. Rogue One, The Love Witch, Deadpool, Arrival, Rogue One, Deadpool, Jack Reacher 2 et Captain America Civil War. Jack Reacher 2, comme je comprends, mais il était pas si excellent que ça. Là. Ben, tu sais, d'être le meilleur film de Tom Cruise. Ouais, non, je suis d'accord, mais je l'ai aimé le film. C'est juste, quand tu le mets contre des spectacles, moi je vais voir un film qu'on parle des top films. Faut que ça soit un spectacle pour moi. Faut que ça soit de quoi qui explose. Ouais, faut que ça soit mémorable, en fait. C'est ça, puis Jack Reacher. Je suis déçu. Tu vois, Ghostbusters devrait l'être par défaut. À cause que ce film-là, c'est le film qui a reçu le plus de hate non mérité. Ouais, ça, c'est le plus gros fail du hate de l'Internet, en fait. C'est Ghostbusters. Parce que ils ont fait un film qui était correct et divertissant, semblé comme le cancer humain en forme de Hitler. Excellent et divertissant. Ils ont voulu faire plaisir au monde, puis ils se sont fait pisser dans les cornflakes. C'est ça, moi, j'ai pas été... C'est débile. Doctor Strange a pas été nommé, je pense. Doctor Strange a été nommé. Ah ouais, moi, je l'ai vu, ça, c'est film, super t'as bon. Dit. Fait que Guillaume, toi, t'as des stats, j'imagine, là-dessus. Ben oui. On va commencer, je vais ressortir un de mes posts de Facebook du 8 janvier, qui relate un peu ce que on va commencer. On a eu un top 10 assez particulier cette année au box-office en 2016. On a eu 3 films de style Pixar. On a eu 5 films de super-héros. Un film de Star Wars. En passant, ils sont pas dans l'ordre. Et un film pour enfants. Je fais mention à Jungle Book. Okay. C'est pas vraiment un film pour enfants. Les adultes peuvent aller le voir, mais je le dis, il est pas en cartoon. Fait que dans le fond, le, par curiosité, selon vous, le film numéro 1, toi, tu vois mon écran, c'est que ça va falloir avoir la réponse. Je regarde aussi tes notes. Moi, je vois, Star Finding Wars. Dory, qui a battu Rogue One par 1 million de dollars. 1,2 million de dollars, pour 1. être exact. C'est une joke, hein, pareil. Mais on s'entend que Rogue One est sorti comme une semaine et demie ou deux semaines avant la fin de l'année. C'est que sort Rogue One un mois avant, puis Rogue One détruit toute la compétition. Mais en fait, le top 3 des meilleurs films en termes de box-office, c'est Finding Dory, Rogue One, puis Captain America Civil War. Attends, Disney. En passant, capsule financière de l'année, si vous voulez faire de l'argent cette année, achetez des actions de Walt Disney. Je pense que le top 5 est à Disney. Ouais, mais ben, reste donc 4-5, voir. Secret Life of Pets. OK. Non, ça, c'est... DreamWorks, ça, je pense. Et Jungle Book. Disney. Ensuite, Deadpool, Zootopia, Sony, Batman vs. Superman, Suicide Squad et Doctor Strange. Complète le top 10. J'aimerais spécifier que Worldwide, c'est quand même Captain America Civil War qui est numéro 1. Oui, moi, c'était en passant pour je sais, parce les que... bien-être de les statistiques. C'était domestique, c'est-à-dire US. Mais je pense que... Puis on a déjà eu cet argument-là ici. Ça va jamais terminer. Mais je pense qu'on devrait parler Worldwide, pas domestique. Je suis d'accord, mais c'est plus pour... Parce que quand tu regardes, juste pour faire la comparaison, Finding Dory est 2 Worldwide quand même, fait que c'est quand même très fort. Mais Captain America, numéro 1, Zootopia, numéro 3. Ouais. Mais tu savais que y a on a ouvert la parenthèse. Puis Rogue One, je pense, va toutes les battre dans sa durée de temps de sortie. Oui. Parce que Rogue One est sorti dans même pas un mois. 18 novembre à décembre. 18 décembre, puis il était à 1 milliard de dollars. Ouais, mais tu savais qu'un des aspects les plus curieux du Worldwide, puis qu'il essaye encore de comprendre, c'est que en Chine, tout ce qui est Star Wars flop. Ben, on s'entend, je veux pas dire flop parce que... Ok, ben tu parles bien d'un film qui a fait 1 milliard de dollars en moins qu'un mois, là. Oui, oui. Ok, juste faire ça. Oui, mais... c'est un flop. Quand t'as des... En Chine. En Chine, je parle. En Chine, c'est un marché qui est excessivement dur à cerner au niveau des producteurs de cinéma parce que t'as des films comme Transformers qui font des recettes de mongols. Oh, mais des gros robots au Chine. Oui, je sais, mais Star Wars, c'est Rogue One et The Force Awakens ont fait bien, là. On s'entend, sauf qu'on s'en... Le problème, c'est qu'en Chine, faut pas oublier qu'ils sont genre 14 millions de milliards de personnes, là. Je veux dire, c'est comme des petits rats, là. Ça fait des bébés tout le temps. Puis tu dis que les Chinois, c'est comme des pourquoi petits rats. Pourquoi t'as dit ça? Des animaux qui c'est sont milter, pas plus... Wow. C'est une espèce d'être humain qui grossit en population de façon incommensurable. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti celle-là, mais le Geek Collectif n'endosse aucunement les opinions de Guillaume Hamel. Ouais. J'aimerais noter que grâce au marché de la Chine, des jeux, des comme puis des fois des films, on dirait qu'ils sont trop marketés pour la Chine. Oui, c'est clair. Il y a des films que c'est. Ben en fait, évident. N'importe quoi qui est Roland Emmerich là en ce moment, là, comme Independence Day, je sais pas si vous l'avez vu là, mais c'est China. En fait, China c'est des bad guys dans ça. Mais Warcraft survit à cause de la Chine. Ah oui. Moi, je vous amènerais peut-être sur le Tomato Meter aussi. Ouais, mais ben, c'est ça, j'y allais justement. Zootopia a été considéré comme étant dans le Adjusted Core de Rotten Tomatoes comme étant le film de l'année. C'est dans le top 5, c'est le seul film. Ben Arrival, est-ce qu'on considère ça comme étant un genre de film box office ou c'est un film plus d'auteur? C'est un film québécois, ça c'est sûr. C'est Denis Villeneuve. Ouais. Mais ma belle-mère. Je considérais dans les deux, moi. Ma belle-mère, elle m'a dit j'ai été voir The Arrival et je n'ai pas compris le film. Ben, elle l'a pas écouté. Non, en fait. Non, elle l'a écouté, mais c'est parce que c'est un ça, film. Elle l'a pas compris, elle l'a compris. Elle dormait. Elle a compris, il fallait pas le comprendre. Elle a compris que tu pouvais pas le comprendre. Parce que je pourrais dire. Moi, je l'ai pas vu encore. Ayant vu The Arrival, c'est quand même cut and dry l'histoire, là. Il y a une twist un peu mais weird. Mais c'est pas à la Independence fin, Day, on s'entend. Il y a comme une réflexion, il y a une intelligence au film. Non, mais la réflexion est quand même évidente. Moi, je l'ai comme pas vu, je peux pas juger encore. Ok, mais en tout cas, tu peux pas voir dans le futur, right? Non. Ça fait que t'es pas comme la fille principale dans The Arrival. Ah. Mais c'est-tu la fille qui parle plein de langues? Ce que je voulais quand même faire un shout-out, c'est qu'il y a eu énormément de films. Mais j'ai vu ta Moonlight là, qui est là. La La Land qui est absolument excellent. Je peux-tu faire un petit parallèle aussi également? Parce que, tu sais, là, on parle de Rival, film d'extraterrestre. Je l'ai-tu compris? Je l'ai pas compris. J'aimerais faire un parallèle à quelque chose qui s'est passé en 2016 aussi. On a eu un joueur d'un certain jeu qui est Elite Dangerous. Que lui, ben, des années après qu'il soit sorti, là, Elite Dangerous, c'est un jeu dans l'espace qu'on fait. Un Wing Commander, genre. Wing Commander, Privateer. Puis il y a un certain joueur que, ben, en pleine partie, il se promène, puis il est en train de faire du Warp Speed en deux places. Puis, ben, il se fait sortir de son Warp Speed par des aliens. Un jeu que ça fait des années que c'est sorti. Ce jeu-là, ben, crème, là, il y a des aliens qui sont dedans, là. Fait que, ce gars-là, le premier réflexe qu'il a eu, c'était de tirer dessus les aliens. Fait que, je trouve que, tu sais, pour les gens qui vont aller écouter Arrival, pour les, tu sais, il y a eu comme un peu, tu sais, on parle de comprendre ou pas comprendre le film, tu dis que c'est très, très cut and dry, mais, tu sais. Ça l'est, faut que tu le vois. Faut, en l'écoutant, vous allez comprendre peut-être un peu plus de philosophie. Fait que, tu sais, ton questionnement de dire, c'est un film de box office. Je pense que c'est un film de box office qui a la prétention d'avoir voulu faire réfléchir les gens un petit peu. Puis, mais pense mais ça réussit, c'est une excellente balance. Puis croire que ce gars-là, il fait le prochain Blade Runner, là, ça va être juste. Ça n'a aucun Christ. Moi, le bon Denis Villeneuve, puis Jean-Marc Vallée, là, je suis vraiment content. Hey, hein, qui aurait cru, là, ça a tout commencé avec du Crazy, puis shit. Maelstrom. Ouais, c'est ça, Maelstrom. Donc, on va y aller en rafale. Shout-out à Marie-Josée Croze. la prochaine Jet lag, Marie-Josée Croze. Prochaine catégorie, je pense que ça va être pas mal assez unanime. Meilleure série télé. Il y a du stock. On a eu une belle année en 2016. Pas à peu près. Il y a eu du beau stock. Ça risque de venir chaud, ça. Mais il y a de quoi être quand même assez percutant. Puis on va le voir juste par nos auditeurs. Moi, j'ai un feeling. On a un bel échantillonnage. Juste dire, le reste des collaborateurs n'ont pas vu les réponses des auditeurs. Donc, présentement, les nominés sont Suits, Stranger Things, okay, ouais, Stranger Things, Game of Thrones, The Crown, Narcos Season 2, Stranger Things, Fred Bastien. Il y a quelqu'un qui a pas compris trop. Ça doit être la sœur à Fred. La sœur à Fred est groupie en tabarouette. Peut-être. Black Mirror, très belle mention. Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things, Black Mirror, Banshee, Game of Thrones. Attends, j'ai une chose à dire là-dessus. Oui. Aucune mention de Westworld qui prouve, shout-out à Christian Bolanos, que This Is Us, c'est mieux que Westworld. Et Luke Cage n'a pas mentionné. Une autre mention aussi que moi, je suis surpris un peu. Il n'y a pas personne qui a mentionné Preacher. Mais j'ai pas vu Queer. AMC Walking Dead, AMC qui se procure une autre franchise du comic qui est quand même assez connue, Preacher. Preacher, j'ai compris, créature. Ouais. Preacher. Mais Preacher, ça l'a moins fessé. Moi, j'ai commencé à l'écouter, puis étant donné que ma copine n'était pas intéressée, je l'ai commis dans mon back burner. Puis on a écouté plus des séries qu'on les deux on aimait, là. Mais Preacher, ça a l'air. Moi, j'ai vu deux épisodes, je pense, parce que j'étais quand même intéressé. Ça sera à écouter plus en 2017. Luke Cage n'a pas été mentionné non plus. Mais tu sais, je peux comprendre. Honnêtement, je comprends pourquoi que Luke Cage n'a pas été mentionné à cause de plusieurs facteurs. Un, la compétition. Puis deux. Un autre propos raciste qui s'en vient. Non, juste. Simplement que comparé à Jessica Jones ou Daredevil, ça avait un moins gros impact. J'aimerais. Moi, je l'ai trouvé égal à Jessica Jones un peu, personnellement. Le vibe est différent, le rythme est différent. Ouais. En parlant du vibe, justement, de ça, de Get Down, je trouve a une des meilleures premières parties d'une série de cette année. Ton affaire de rap, là, de... Ouais, c'est genre le music... Creation of hip-hop. Ouais, mais c'est fait à la Baz Luhrmann, c'est fait à la musical, un peu. Fait que ça, j'aime ça au bout. Mais est-ce qu'on a autant de gens que ça va chercher? Tu sais, je pense que... Non, The Get Down? C'est ça qui arrive, puisque je me rends compte... Stranger Things, c'est pas niche. Stranger Things a été fait... C'est très nostalgique. Pour être... Tu sais, ils ont pris carrément la sociodémo qui écoute la télé présentement, puis ils ont fait, on va leur pitcher le emblem. Mais on c'est va ça. Leur pitcher le soundtrack au synthwave, que là, il est pas mal à la mode. On va leur pitcher la nostalgie. On va ramener Winona Ryder. Fait qu'on dirait que ce show-là, il a été... préconçu pour pogner, sauf que, ben, il était fucking bon, le show, pareil. Ouais, mais c'est du Netflix, je sais que... C'est drôle, là, j'ai écouté E.T. dernièrement, parce qu'il est sur Netflix en passant tout le monde, là. Checkez E.T. si vous l'avez pas vu encore, les jeunes auditeurs. Non, mais il y en a, right? Ouais. Puis Stranger Things, ça commence avec pas mal... Ben, ça commence pas avec, mais une des premières scènes, ça commence exactement comme E.T. Ouais. Ça commence c'est voulu. Exact... Mais je sais, mais j'aime... Comme c'est exactement le début d'E.T. À place d'être le E.T. qui se fait perdre puis prendre ou disparaître ou perdu dans une planète, mais t'as un jeune qui se fait disparaître, perdre, va dans une autre dimension, Puis ça coupe à des kids qui jouent à Dungeons & Dragons. Mais il y a une affaire que j'ai aimé beaucoup. Tu viens de me spoiler ça, je l'ai pas vu. T'as jamais vu Stranger Things? Non, mais regarde, attends, wow, guys, Melter, t'as des excuses pour le cinéma. C'est notre prochain. Mais Stranger Things sur Netflix, t'as zéro excuse. Ben oui, j'ai des excuses. Je finissais d'autres séries. Non, moi, je check ton Snapchat, bro, t'as zéro excuse. Mais il y a une affaire qui est le fun, puis moi, tu sais, des affaires comme Stranger Things, c'est pas un remake. C'est un new IP, mais inspiré fortement d'une nostalgie. Mais moi, j'ai trouvé ça cool parce que ça prouve qu'on est encore capable de générer du nouveau contenu. Westworld, c'était super bon. C'était moi, excellent. J'ai décroché, Westworld. Si on va être honnête. Là. Ben, finis-le. Non, puis... j'ai décroché. Bon, ben, décroche. Ouais, ouais. Mais Westworld, tu sais, c'est encore un remake. Ghostbusters, c'était un remake. Là, c'est des films, mais tu sais, puis on a eu une vibe un peu où dans les deux dernières années, tu sais, puis moi, on en parlait dans les bye-bye, on était comme. Calvin, ils vont-tu arrêter de refaire du stock, puis on va-tu avoir du nouveau contenu? Puis j'étais content de Stranger Things, même si la première scène, c'est E.T. mot pour mot. Non, mais c'est correct, ça, c'est voulu, c'est du mais jeu, après ça, ça change un peu, puis je trouve ça intéressant. Moi, je vais faire Je veux juste dire une chose, parce qu'on parle d'originalité, puis il faut que je drop ma série de l'année. Stranger Things, en passant, c'est une des premières séries que j'ai binge-watch en deux jours avec ma femme. Ouais. Comme ça, pour moi, ça mérite un assez gros chapeau. Puis c'est une des raisons pourquoi que je pense qu'il est aussi populaire, puis que c'est bon, c'est vraiment bon. Mais une série, puis tu parles d'histoire originale, mais calice, man, moi je te suis This Is Us, comme un esti de tête à craque. Puis c'est un drama que je suggère à tout le monde de checker. C'est sur ABC, CBS ou ABC, je suis pas sûr. Mais ce show-là, ça a une histoire originale. C'est un drame original qui fait une approche que je peux pas parler de parce que c'est pas sci-fi là, mais si je parle de c'est comment ce qui approche ça, ça ruine un peu la magie de la première émission. Puis j'aime pas ça de ruiner la magie des shows. Mais This Is Us, tu veux de quoi d'original? Ça, c'est une approche très originale à une histoire. Je vous le suggère. Là. Moi, je pleure tout le temps. Je n'ai un qui a pas été nommé, que c'est québécois en plus, c'est niaiseux. J'écoutais ça avec ma femme, on a comme resté pogné dessus un peu à tous les semaines. C'était comme le moment mort, puis on a vu comme, ah, c'est pas si pire. C'est Les Simones. OK. Je sais pas si vous l'avez vu, là. J'ai entendu parler beaucoup. Il y a eu beaucoup de vagues sur les internets. Il y a eu des vagues au début à cause que c'était Kim Lizotte, quelque chose, là. Une humoriste. Non, Kim Rusk. En tout cas, je sais même pas si ça s'est écrit, Kim Rusk. Kim Lizotte, elle écrit ça, en tout cas, avec d'autres mondes. Monsieur Piquet, là, peut-être. Mais il y a la fille des appendices. Mais elle joue là-dedans. Ouais. Mais en tout cas, c'est une bonne petite série, là, comme de relations, drame, avec Facebook, là, tu sais, les réseaux sociaux à Star. Mais on dirait qu'on recommence à explorer un peu plus au Québec, tu sais. C'est comme ça a l'air con, mais pendant le temps des fêtes, on a eu l'annonce de Bon Cop, Bad Cop 2. Ouais. Qui, pour moi, est quelque chose d'important pour le cinéma québécois parce que on sort des films québécois-ontariens. Québécois-ontariens. Collaboration. Mais qu'on sort un peu de, comment dire, le filtre de famille québécoise monoparentale triste sur le BS avec un personnage androgyné, puis c'était tout le temps glauque puis pesant, puis on commence à avoir du stock le fun. Tu sais, on commence à avoir des séries policières un peu intéressantes, on commence à avoir du contenu différent. Puis je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Un jour, des séries noires, des affaires de même, là, ça prend plus de contenu Québec de même. Moi, je vais faire une mention spéciale parce que ça passe à la télé. Vous pouvez les écouter sur le site de Télé-Québec aussi également, mais like-moi. Oui. Like-moi Télé-Québec, là, c'est des bons sketchs. Puis c'est des sketchs qui jouent le web game puis qui comprennent la génération Internet. C'est les plus jeunes, ils ont finalement leur place un peu. Ouais, carrément, mais c'est fait avec bon goût, puis c'est fait de bonne façon. Moi, je les ai découverts, c'est con, par leur émission de bloopers pendant le temps des fêtes. OK, ouais. Puis c'est le moment que j'ai découvert Like One. J'ai tout écouté, c'est drôle. C'est super drôle, j'adore ça. Ouais, si tu me permettrais, je finirais vite. Tantôt, on a parlé des pourquoi on faisait notre épisode en 2017, puis les épisodes qui étaient faits à la fin 2016, des fois, il y a des créations qui passent dans le crack, comme on dit. Mais il y a Making a Murderer qui a comme révolutionné un peu justement le binge watch puis le Netflix, qui est sorti le 18 décembre 2015. Donc, l'année passée. 2015. Ouais, 2015. Ouais, OK, ouais. C'est que l'année passée, quand on a fait notre récapitulatif de 2015, on n'a peut-être pas vraiment parlé parce qu'on était comme en train de le découvrir. Puis la plupart des gens ont écouté ça début 2016 ou pendant leurs vacances de Noël. Ouais. Ça a comme passé en un crack. Puis moi, ça m'a fait beaucoup penser quand je voyais les les tops dans les différents médias américains et canadiens, que People versus O.J. Simpson a été dans le top 3 de quasiment tout ce que j'ai lu sur Internet. Puis The People versus O.J. Simpson va, et plus comme une dramatisation, tu sais, c'est recréer ce qui s'est passé, tandis que Making a Murderer, c'est vraiment du footage de officiel. Mais ils n'ont pas réouvert l'enquête du gars suite à Making a Murderer? Oui. Ben, le petit, l'ado attardé a été disculpé, là, a été innocenté. Et là, la principale victime, slash le protagoniste, slash personnage officiel de la série, a une avocate qui est comme en feu, ça a l'air. Là. J'ai comme suivi un peu au cours de l'année. Mais ça a l'air à bien s'enligner pour lui, mais c'est là, il est dans la paperasse, c'est la bureaucratie. Là. Mais selon moi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec People versus O.J. Simpson. C'est encore, on relate ce qui s'est passé, on voit un peu l'envers de la médaille. Il y en a, selon moi, on va en voir de plus en plus avec dans les mois à venir, là, dans des sphères un peu plus différentes. Ben, ça pogne un peu. Fait que ça pogne beaucoup, en fait. J'en ai vu un de similaire à O.J. Simpson dernièrement. Je l'ai pas eu le couteau complet, là, mais c'est la petite fille là, de Beauty Pageant qui s'était fait kidnapper de John Bennett Ramsey. Ouais. Fait que la fille du cook, chef Ramsey. Quand est-ce que les Menendez Brothers vont avoir leur show? C'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est... J'aimerais ça faire un beau shout-out à un moment de télévision que j'ai vraiment apprécié, puis que... La Bronco Blanche? Non. En 2016, il est arrivé quelque chose aussi où on a parlé beaucoup dans les années précédentes de l'univers Marvel, l'univers Extended Marvel Universe, télévisé par l'entremise de Netflix, Agents of S.H.I.E.L.D., etc. Ce que j'ai bien aimé cette année aussi également, c'est... NBC qui drop Supergirl et CW qui rachète Supergirl avec le même cast, le même truc, puis qui prolonge la télésérie. Et non seulement ça, mais ils ont fait un 4-series crossover event avec Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl. Puis j'ai trouvé ça super bien exécuté. C'était le fun. DC commence à avoir un bel univers télévisé, même s'il y a des gens qui sont écœurés de Arrow. Flash, il y a quelque chose qui rajoute. Legends of Tomorrow, moi, j'ai jamais écouté ça, mais en écoutant c'est le fourth episode crossover, j'ai fait comme, j'ai le goût d'aller l'essayer, j'ai le goût d'aller voir. Supergirl, j'ai toujours aimé ça depuis le premier épisode, j'ai été accroché. Mais pas super, la série. Honnêtement, avec ma blonde, c'est cheesy, mais bon. Tu sais, les personnages sont attachants, puis ils explorent des belles opportunités, éventuel. Je sais pas si t'es rendu dans saison 2 de Supergirl. Tu vas voir, il y a du beau stock qui s'en vient, puis ben, touche, fun à regarder. Là. Ben, tu sais, ça me fait penser un peu à saison 2 de Dark Angel dans le temps avec Jessica Alba. Ouais. Fait que tu sais, il avait pris une twist un peu weird, mais c'était intéressant quand même. Là, on va y aller en rafale. Meilleur acteur. On a Mads Mikkelsen, Ryan Reynolds, Harrison next. Ford, celui qui a fait Tony Starks, Leonardo DiCaprio, Val Kilmer, Benedict Cumberbatch. Fred Bastien. John Goodman dans 10 Cloverfield Lane. Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Adam Driver. 10 Cloverfield Lane, c'était cette année, ça? Michael Fassbender, ouais. Tom Cruise, Keanu Reeves. De film. Ryan Reynolds, il est pas là? Il est dans La La Land, ouais. Non, Ryan Reynolds. Il est pas dans les choix des auditeurs, mais il peut être ton Deadpool. Choix, par contre. Ben, il devrait être dans les choix. Moi, je mets des Ryan Reynolds pour Deadpool. Mais en fait, moi, je dis que c'est une année des Ryan. C'est-tu quoi? Gosling, Reynolds. Une année des acteurs canadiens, mesdames et messieurs. Mais ça pas trop. Ouais, ça a du sens. Moi, j'irais avec Benedict Cumberbatch, man. Pour Doctor Strange. Mais il y a Sherlock aussi, là, qu'il a tourné. Non, mais ce gars-là, pour l'ensemble de son œuvre, mais dans Doctor Strange, je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé. Puis ce gars-là, il peut jouer tellement plein de personnages. Puis tu le quittes, là, il me fait capoter, là. Fait que moi, mon choix, ça serait Benedict Cumberbatch. Vous autres, c'est Deadpool. Ouais. Ryan Reynolds, excusez. Ou Green Lantern, comme on aime l'appeler dans l'industrie. Mais j'ai écouté Deadpool hier, puis je trouve que c'est... Là, on s'entend, un acteur de film de super-héros distinct plus, qui gagnera jamais un Oscar, mais maudit qui est bon. Il a le bon rôle. Mais ce qui est cool, c'est qu'il joue le même rôle qu'il jouait dans Two Guys, A Girl and a Pizza Place. Ouais, meilleure actrice, Felicity Jones, Winona Ryder, celle qui fait Black Widow, Claire Foy, Carrie Fisher, Winona Ryder, Carrie Fisher a fait fuck all. Ali Hayes, Alfre Woodard, est morte. Winona Ryder, tu gagnes pas pour mourir. Amy Adams, Gal Gadot, Cersei Lannister, puis Amy Adams. Emma Stone n'est pas là. Emma Stone n'est pas là. La La Land, ben c'est... On va le dire, là, l'Oscar cette année se joue entre Amy Adams et Emma Stone, selon moi. Là. Winona Ryder, moi, cette année. À cause de ben, la série. Elle était fucking bonne dans Stranger Things. Puis elle est toujours très fourrable. Yeah. Moi, je vais dire Emma Stone pour les mêmes raisons qu'Eric vient de mentionner. On est, ouais, on est très gentils. Fait que, Guillaume? Là. Juste pour faire différent, mais avec Amy Adams. Parce que... Okay. Seule, non, c'est pas... C'est elle dans The Arrival. C'est pas elle qui joue dans Sicarios aussi? Non. Non, Sicario, toutes c'est... Tous les films de Denis Villeneuve. Non, mais c'est ce que l'année passée, j'étais triste que l'actrice de Sicarios n'avait pas eu une nomination. Puis là, je me disais, peut-être... Oh my God, c'est quoi son estime nom, là? Pourquoi ça me vient pas? J'allais chercher, ça me gosse, moi aussi, là, mais... Sicario... Mais Amy Adams, j'aimerais ça voter pour elle, mais j'ai pas vu le film encore. Elle a joué la reine... il disait pas la reine... Elle a joué une reine dans un autre film de Denis Villeneuve, fait que c'est ça. meilleur jeu vidéo PlayStation. Je vais voter comme André. Moi. Je vais voter comme André. Meilleur jeu vidéo PlayStation. Meilleur jeu, ok. Rafale. Les nominés sont Witcher 3, Uncharted 4, Overwatch. Don't Give a Shit, Overcooked, No Man's Sky, lol. Uncharted 4, Star Wars. Lequel? Battlefront. Je pas indiqué, ça doit être Battlefront. Ratchet & Clank 2016. Far Cry Primal, Overwatch, Uncharted. Moi, je vais le dire tout de suite, là. Le seul qui est comme exclusif ou presque là-dedans, c'est Uncharted. Ouais. Puis c'est un excellent jeu. Il y a un qui n'a pas été nommé, c'est Ratchet. Il a été nommé. Mais celle-là, il mérite une mention, mais Uncharted. Moi, j'ai pas fini Uncharted 4 parce que je trouvais l'histoire plate, mais j'ai fini Ratchet de A à Z. Fait que Uncharted. Fait que c'est toi qui as écrit Ratchet. Meilleur jeu Nintendo. Pokémon Sun and Moon, Don't Give a Shit, Pokken, qui est Axiom le Tekken Verge de Pokémon, Mario Maker, Fuck Nintendo, Pokémon Sun and Moon, Pokémon Sun and Moon. Pourquoi quelqu'un Mario dirait Fuck Nintendo? Tu quoi, on peut-tu adresser... Exactement pour ça. On peut-tu adresser... Ben, tu quoi, oui. S'ils le font exactement pour ça, félicitations, ils ont réussi de quoi dans la vie. Mais... On peut-tu arrêter de chier sur Nintendo? Non, ils ont rien qu'arrêté de faire de la crise de marde, Rick. Quelle marde? La Switch, la Wii U, la Wii. Ouais, je m'embarque pas. Bon, c'est good. Ça a quasiment marché. Axiom Verge, Pokémon Go. Puis c'est pas moi qui l'ai écrit. Pokémon Go et Super Smash Bros. Wii U. OK, on va commencer tout de suite en disant que Pokémon Go n'est pas un jeu Nintendo. C'est That Pokémon Company, puis c'est sur un cell, fait techniquement, Niantic aussi, hein. C'est Niantic. Fait que Pokémon Go, moi je suis d'accord, on le disqualifie. Ouais, fuck Pokémon Go. Je suis désolé. Est-ce que Mario Maker est 2016 ou 2015? À ma connaissance, 2015. Non, c'est 2015, ouais. Ouais. Ah. Donc on n'a pas le choix de disqualifier. Fait que c'est Splatoon. Ouais. Splatoon. Le Nintendo, meilleur jeu de Nintendo, ça peut juste être Pokémon Sun and Moon, puis on passe au prochain. C'est Pokémon. Okay. On va pas vraiment passer du temps sur Nintendo. Ah, Splatoon, meilleur jeu vidéo Xbox. Witcher 3, Overwatch, Forza Horizon. Hey, j'ai bien de la misère. Horizon 3. Dead Rising 4, Gears of War 4, Lovers in a Dangerous Space-Time. Qui est ça, aussi c'est cool, sur Switch. C'est intéressant, ça, mais il y a aussi sur PlayStation. Doom, qui est également multiplateforme. Gears of War 4, Forza Horizon 3, Battlefield 1, Gears of War. Ça joue entre Forza, non, Dead Rising. Ben oui, ça, il manque Record. D'après les gens qui parlent. Record, il y a... Mais Record mérite d'avoir une... Je parle des exclusifs. Là. Ouais, ben Record. Quantum Break. C'était pas 2015, Quantum Break? Non. Non, c'était l'année passée. C'était l'année passée. Puis c'est très bon si tu l'as pas joué. Check the Achievement. Non, c'est de la merde. Check the Achievement. J'ai vu Maxime Tremblay jouer très longtemps au chalet à Québec l'année passée. Puis pendant une heure et quart, je pensais qu'on écoutait un film. Hein? Il jouait à Quantum Break au chalet. C'est le matin que t'étais KO dans ton lit, là. Ben, je dormais, c'est ben, c'est ça. Moi, je regardais Maxime. Donc, je manque les moments. Il manquait Record, Quantum Break. Qu'est-ce qui manquait? Ben, Record, j'aimerais dire que Record, c'est un jeu de Megaman en 3D. Ouais. Fait que si tu aimes Megaman, faut que tu joues à Record. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. T'es très pas cher. Non, parce que ça a été malheureusement un flop commercial. Il y a Ori and the Blind Forest aussi, qui est pas là. Il est pas multi, lui, Ori. Qui est pas multi. Non, ben, il est multi PC. Time exclusif sur le Xbox pour le Definitive Edition. C'est ça, je pense. Mais ça, c'est un excellent jeu de plateforme qui est sorti. Doom, il a été nominé là-dessus, il est multi. Ben, on a beaucoup de joueurs, beaucoup de jeux qui sont multiplateformes parce qu'on s'entend. Puis on n'a pas touché trop, comme le multiplateforme, il est là, mais il n'y a personne qui l'a droppé. Mais Overcooked, c'est dans mes tops de l'année en général. En multiplayer. C'est ce jeu-là. Ben, en multiplayer, oui, mais c'est un jeu co-op multiplayer aussi. Ouais. Très fort. Gears of War 4, man, je pense. Gears of War 4, c'est très cool. Ouais. En fait, je commence la campagne dans Gears of War 4, Puis une affaire que les gens, si tu veux triper graphique un peu, quand ces hosties de tempête là arrivent là, c'est un hostie de show. Là. C'est vraiment nice. C'est vraiment là, je pense que ce jeu là graphiquement surpasse même Uncharted 4 là. J'ai joué avec vous autres à Gears là, la dernière fois, puis c'est vrai. Hein, ouais, j'ai hâte de rejouer. Non, non, on va jouer. Il était tellement abordable pendant le temps des fêtes. On l'a eu à 27$ là. 27$ en price. Non, en fait, nous autres on l'a eu gratuit. J'ai eu gratuit parce que j'ai acheté une Xbox One S, puis j'ai dit à Rick de retourner sa copie. Mais je l'ai pas retourné, j'ai donné à mon beau-frère à place. Il va jouer une autre. Ouais. PC, Witcher 3, qui est pas mal partout. Overwatch. Skyrim Special Edition. Overwatch. PC, c'est Overwatch. YouTube. Il y a quelqu'un qui a vraiment. Whatever. Il y a quelqu'un qui catch pas. Je pense que c'est le Overwatch, gars qui écrivait Fred Bessler partout. Sims, Overwatch, Overwatch Inside. Overwatch, Space Pirate Trainer. Overwatch. Okay, en fait, tu dis Overwatch, mais je dirais Blizzard. Parce que Overwatch, oui, c'est exceptionnel comme shooter. Mais ils ont redonné vie à un jeu qui a au-dessus de 10 ans cette année aussi. Quand ils ont sorti Legion pour World of Warcraft, ils ont vraiment... ce jeu-là a eu une nouvelle naissance. Puis ils ont tout refait qu'est-ce qui est derrière Warcraft. Ils ont fait World of Warcraft redevenir en vie. Ouais. Ils ont remonté leurs subscribers. Tout le monde joue à Overwatch. Non, mais on joue à tout. En fait, tout le monde joue à Overwatch. Tout le monde joue à World of Warcraft. Tout le monde joue à Hearthstone. Ouais. Pas mal de monde joue peut-être à Heroes of the Storm. Facebook Streaming Integration à Battle.net. Aussi c'est ça. Année. Blizzard au PC, là, ils l'ont kill. Mais il y a des super de bons jeux là, comme que tu as nommé, comme Civilization 6. Moi, je vais prendre une petite liberté. Là. Personne n'a mis Mettons No Man's Sky. Mettons qu'on parle d'exclusif. Selon moi, Civilization 6, c'est le seul jeu... Qui a vraiment réussi là, au niveau qualité, critique et tout au PC. Parce qu'on s'entend, Star Citizen, pas encore vraiment sorti. Ça, c'est comme un genre de. Tu parles d'exclusif à cause qu'Overwatch est éventuellement sorti. Parce que je me laisse dans le fond, du cross-platform, là, Overwatch, puis Witcher 3. Mais en fait, Witcher 3, c'est l'extension qui a vraiment été populaire. Parce que Witcher 3, c'est un titre de l'année passée. Donc, si on parle de cross-platform, selon moi, Overwatch gagne haut la main. Fait table rase. Ouais. Si on parle d'exclusif, par exemple, on parlait de Sony tantôt, Uncharted 4, ou Xbox, on a eu le choix, mettons, tu sais, Forza ou Gears of War. Ouais. Mais si on parle d'exclusif PC, tu sais, XCOM 2, ça a été longtemps un exclusif PC, mais c'est rendu cross-platform. Ouais. Squadron 42, Battle Gothic Armada, Total War Warhammer. Civilization, c'est un jeu qui marche juste pas. Sur les exact. Consoles. C'est des jeux qui ont, fait, ont été bons, mais ils pas. Ils se vendaient très bien sur console. Non, mais les Revolution. Ouais, les Revolution. Fonctionnent bien, mais comme tu me donnes le choix entre Civilization 3 c'est ou un Revolution, jeu pour jouer PC. Je vais prendre Civilization 3, ben tu oui, comprends? C'est clair. Comme c'est. Un petit step. C'est ça. Mais selon moi, Civilization 6 remporte par défaut un peu la palme J'approuve PC. Ce que tu dis. Mais c'est en cross-platform, Overwatch, c'est comme... Mais Overwatch, c'est l'attrait parce qu'il y a du monde qui vont dire qu'Overwatch, tu le joues sur PC pour si tu veux vraiment jouer compétitif ou de quoi. Mais pas juste moi, je suis pas d'accord avec ça, mais il y a du monde aussi. Que c'est PC, on ça prend pas de grosse machine pour jouer. Si tu veux prendre au MLG level, c'est sûr que t'as pas le choix de jouer PC. Ouais, mais même là, c'est encore drôle parce que Overwatch aussi... Un PC, là, ce qui arrive, puis c'est drôle parce que là, un des avantages de faire le show en 2017 aussi, CES a eu lieu il n'y a pas longtemps, puis dans le panel d'NVIDIA, je me rappelle pas des stats qui ont sorti, wink wink Guillaume, mais NVIDIA ont parlé d'un nombre de joueurs qui avaient accès à un ordinateur de type gaming, puis ils ont parlé d'un nombre de joueurs qui avaient accès à un ordinateur point, qui pourraient jouer. Overwatch est un jeu qui est pas ultra demandant. On peut jouer qu'une machine quand même de base, ce kit. Je joue avec ma blonde à Overwatch sur l'ordi. Elle a joué qu'une manette. Il y a Sacha aussi de Podcast et Gumballoon qui joue avec nous autres. Puis lui avec, il joue qu'une manette. Puis... Mais il est accessible, le jeu. Il est le fun. Fait qu'il y a un paquet de monde présentement là, qui ont un ordi à la maison qui peuvent aller sur canyourunit.com regarder si leur machine va pouvoir rouler Overwatch. Puis si ça le roule, ben c'est un 39-49$ là, super bien investi parce que c'est un jeu qui est facile. C'est un jeu qui ont bien balancé. Overwatch? Overwatch, là... Oh non, Overwatch, tu débordes des trucs cosmétiques, mais tu sais, c'est... Man, les vidéos puis la qualité graphique, c'est digne d'un jeu de Pixar, d'un film de Pixar. C'est juste fou. Fait qu'il y a un paquet de monde aujourd'hui qui pourrait être en train de gamer à Overwatch, qui ont peut-être pas les sous pour se procurer une console. Ils savent juste pas. Qu'ils savent juste pas puis qui pourraient l'essayer, justement. So, pis, Overwatch, top, sans aucun doute. je pense qu'il faut qu'il y ait une mention spéciale d'un jeu perso. C'est Battlefield 1. Puis je dois donner une mention spéciale pour ce jeu-là pour 2016. Ouais. Parce que qu'est-ce que j'ai vu dans Battlefield 1, c'est le futur. Ça a l'air stupide, là, que je vais dire. Le futur dans le jeu du passé. Mais c'est le... Non, c'est drôle, hein, mais le jeu qui recommence Battlefield dans la Première Guerre mondiale, ben, c'est le jeu qui démontre le futur de Battlefront. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait dans Battlefield 1, s'ils font juste mettre 60% de ça dans le single player pour le prochain... Whatever le prochain Battlefront va être, Battlefield 1, là, pour le single player, la manière que les histoires se font... La manière que le multijoueur se fait, puis les graphismes dans ce jeu-là, c'est un des top jeux de l'année qui s'est très bien vendu aussi. C'est sûr qu'Overwatch mène haut la main sur bien des affaires pour le multijoueur en ligne, mais Battlefield, qu'est-ce que EA ont fait avec ça, là, c'est pas surprenant parce que c'est la meilleure compagnie de jeux vidéo dans l'histoire des jeux vidéo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, là, c'est vraiment impressionnant. Juste une mention, on parlait des memes tout à l'heure, puis tu parlais, Milter, tu sais, que les memes Québec avaient augmenté leur calibre. Ouais. Il y a un des memes que j'ai vu il y a quelques semaines qui me faisait penser à EA, justement. C'est un gars qui est dans son entrevue, puis l'autre, il dit, t'es-tu bilingue? Puis il dit, yeah, EA, it's in the game. Mais tu sais, il fait du croche, puis tu sais, c'est justement le meme québécois qui est en train de prendre sa lancée. Mais, on a-tu mais... réussi à trouver la stats, Guy, non, en fait, c'est pendant qu'il cherche le contenu de Rafale dans les jeux Inside. Pornhub. Mais Inside. Inside. Si vous n'avez pas joué Inside. Très bon. Ça, la c'est suite, un jeu. C'est une genre de. Pas une suite, mais la même gang que la même gang de Limbo. Inside. Psychologique. Puis juste Inside, shout out à Boule d'Humain à la fin. Watch Dogs 2 mérite un shout out parce que Ubi, ils ont réussi. Comme qu'ils font d'habitude, faire une preuve de concept d'une suite à Driver. Je peux faire un parallèle avec ça. On est le début de l'année, là, puis on a le mérite de faire ça. On n'a plus une crise de scène dans le compte en banque. On est écœuré de manger puis de boire. On veut plus voir notre famille. Mais, savez-vous quoi? Allez faire un tour dans les magasins, là. Il reste encore des deals, puis il y a des jeux used aussi qui vont commencer à rentrer dans pas long, dans des EB, dans des microplays, dans peu importe, là. Puis ça va être le temps d'acheter Yoast dans pas long. Il va y avoir des deals, là. Puis Watch Dogs 2, là, il y a un paquet de monde qui était intimidé puis qui voulait pas l'acheter. Par contre... Malheureusement, il est encore à plein prix aujourd'hui. Oui, sauf qu'il a été... Honnêtement, là... Il a été à bon prix pendant longtemps. Il était à 39, à 59, à 69. Il a été à... Il a tellement baissé de prix souvent. Tu sais, puis t'as un paquet de monde qui ont hésité à l'acheter. Il y a un paquet de jeux de même, là. Crème... Vous avez pas une tôle, il va y avoir des uses, puis savez-vous quoi? Il y a encore de la location de fucking jeux vidéo qui existe aussi. Watch Dogs 2, là, bien motivé, tu veux passer une fin de semaine au complet dessus, tu vas le finir. Bien motivé. Tu vas faire la main quest, puis tu feras pas les side quests, mais on paye, louler, passe du temps avec. Faut que tu joues à fucking Watch Dogs 2. Il était bon. Il y a des jeux gratis. À la bibliothèque, il y a des jeux gratis, c'est vrai, on l'oublie tout le temps, ça. Fait que, tu sais, on a tendance à associer notre culture du geek à faut dépenser, faut que ça coûte cher. Ben regarde, l'after party il est là, c'est après le temps des fêtes, les check-a-check sont pleines, on rembourse, on n'a plus une calvaire de scène, mais il y a un moyen de se divertir à moindre prix. Puis je pense que c'est ça. Réexplorez votre back catalogue. Il y a un paquet de monde là que Witcher 3 s'est fait plugger 3-4 fois là-dedans. Là. Il y a un paquet de monde qui l'ont acheté puis qui l'ont pas fini. Bah, j'ai joué 10 heures, je pense. Finis-le! Puis on tu a pas payé! On n'a pas fini encore là, que, parce qu'il y a jeux, faut pas qu'on oublie. Final Fantasy XV, la renaissance de Final, méga respect à Square d'avoir tenu tête, d'avoir gardé un jeu dans le four pour aussi longtemps pour qu'il sorte au calibre qu'il a sorti. Ça, c'est un des meilleurs, c'est une des rares premières évolutions de RPG japonais que j'ai vu depuis longtemps. Puis ça me rappelle, en fait, cette année, j'ai retombé en amour avec les jeux japonais. Gravity Rush, j'ai essayé le démo de Gravity Rush 2 qui sort cette année. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on va sûrement parler 2007, l'année prochaine. Yes. Mais Gravity Rush que j'ai essayé, ça me rappelait que j'aime les jeux japonais. Final Fantasy XV, ça me rappelait que qu'est-ce qui se passe au Japon, c'est écœurant. Let It Die me rappelait que Suda 51, c'est bon. C'est un esti de craqué. Puis ce jeu-là, il est pas... Tu dis qu'il est bon. Il est pas bon. Non, j'adore Let It Die, oui, man. T'adores Let It Die, mais pas pour les bonnes raisons. Let It Die, c'est pourquoi un jeu... Pourquoi j'adore Let It Die, Parce que... T'adores Let It Die parce que le grind... Quand le grind est drôle, c'est le fun. Fait que c'est une bonne raison de l'aimer, mais c'est pas un bon jeu. En fait, non, j'adore Let It Die parce que j'ai commencé à faire le multiplayer, puis c'est le fun. OK. C'est le fun d'aller faire chier le monde, raider leur base, leur kidnapper leur bonhomme, puis revenir chez vous. Fait que la twist multiplayer de Let It Die, parce que tout le monde a dit, t'aimes ça Let It Die parce que c'est Dark Souls, mais drôle. Ouais. C'est quand même le multiplayer, par contre, de Let It Die le rend le fun. Il y a aussi super cool. Faut pas qu'on oublie Titanfall 2 ouais. que EA ont ben puis la gang chez Respawn anciennement Call of Duty ont refait Titanfall fonctionner. J'aimerais aussi qu'on fasse un gros shout out à Dark Souls 3, le jeu que tout le monde fait semblant qu'il aime. shout out je pense que Hitman, ouais. Ça a l'air de rien, là. Mais quand tu t'embarques dans Folie de Hitman, puis gros merci à Cédric Duquette, il nous a donné un code à moi de Milter pour notre affaire. Season Pass. Season ouais, merci, Pass Cédric. Tout. Puis non, ben ça c'est une autre affaire, là, ça n'a pas rapport. Avec les jambons, écoutez-nous les jambons, on arrive juste mardi en passant. Mais saison 3. mais Hitman, quand tu t'embarques dans le trip de qu'est-ce qui est Hitman, IO là, ils ont vraiment fait de quoi de bien. IO ouais, Idos. C'est IDOS qui distribue, ouais. Mais c'est IO Studio qui ont aussi fait Freedom Fighters, get your shit together guys. Puis mais c'est super bon, puis c'est un très bon jeu, là. Hitman is back. Puis il dure longtemps. Puis il dure longtemps. Side quests. Toutes les affaires que tu peux faire, là, c'est cool. Puis aussi, shout out à Firewatch. Oui. Si t'as pas Firewatch, ajoute-les qu'un temps spécial. C'est super, mais super bon. J'hésite. Mention spéciale aussi, là. Ouais, plein de mentions, là, parce que les jeux vidéo, là, c'est important. Là, il va falloir qu'on close pour passer au prochain sujet, mais je voulais faire on s'en fout du prochain sujet. On s'en fout pas, Eric. L'important, puis je voulais faire une mention spéciale aussi, mais cette année, je suis content qu'on passe à autre chose. Je suis content d'être en 2017. On a eu des débats de consoles comme on n'en a jamais eu parce que là, ben, les fabricants nous font des versions updatées 4K. Ah, on a un bel épisode à ce sujet. On a eu des ouais, j'ai aimé cet épisode. Un renouveau du e-sports puis une popularité du e-sports grandissante qui est vraiment intéressant. Pis on a juste vu la pointe du iceberg de ça. J'ai hâte de voir l'année prochaine que ça absolument. Va donner. Cette année, en fait. On a vu aussi un PC gaming plus abordable. La oui. technologie semble avoir ralenti dans le PC gaming, puis t'es plus obligé d'acheter pour 1000$ d'équipement chaque année sur ton ordi pour pouvoir. Moi, je joue à tout avec un ordinateur qui a 5 ans en ce moment. Ben, c'est à peu près la même chose. Mon ordinateur a environ 2-3 ans. Il y a encore de la place pour les hardcore qui veulent ouais. avoir des 1080p en SLI, tu sais, des cartes de vidéo à 1000$ chaque, là. Mais c'est du 4K c'est... maintenant, Guillaume. Oui, mais s'ils veulent, tu sais, il y a de la place pour ça. Ouais. Ils peuvent. Mais il y a aussi ce qui est le fun, c'est que la braquette permet de jouer au jeu est assez élargi. Le jeu il est plus polyvalent, permissif. C'est sûr que si tu veux jouer à Witcher 3 et avoir tous les détails dans le tapis, t'as pas le choix d'investir. Mais c'est rendu t'es pas abordable. Oui, mais t'sais, t'es pas obligé non c'est plus. C'est ça, exactement. T'sais, puis même que ça faisait des années que moi, j'étais rendu sur console pour une raison de coût et une raison de contenu. Puis Mass Effect Andromeda sort au mois de mars. Fait que pendant que tout le monde va jouer avec leur Switch, ben moi, je vais aller vivre des aventures incroyables dans un univers incroyable créé par BioWare. Mais à quoi qu'ils vont jouer avec leur Switch, il n'y a pas de jeu avec? Ben je sais pas, mais ils joueront pas à Mass Effect Andromeda, okay, par exemple, parce que ce ne sera pas sa Switch. Mais où je vais en venir avec ça, c'est que c'est peut-être, pour moi, un achat PC maintenant. C'est que je commence à envisager ça. Mes jeux sont moins chers, même sur PC. Souvent, ils sont 10-15$ de moins. Donc, je vais peut-être me procurer ce jeu-là sur PC. Puis ça, pour moi, ça a été un des moments marquants du gaming de 2016, c'est le PC gaming is back. Puis là, il y a un paquet de monde qui vont me dire si y a Pocket, il y a tout le temps été là le PC gaming. Puis non, OK, je suis plus obligé de sortir 400$ de ma poche m'acheter une carte graphique là, pour jouer à quelque chose qui vient de sortir. Fait que PC gaming is back comme une option abordable pour les gens pour pouvoir gamer. En passant à la personne qui va dire que c'est moi, parce que it was always there. Shout out à tout le monde qui ont acheté les PlayStation 4 en passant. Ça a l'air que tout le monde les ont achetés. Oui. Oui. Sauf moi. Milter. Il n'y a plus personne à en acheter, là. Plus personne qui peut acheter des PlayStation 4. Je te trouve muet. Je suis muet. Je vais te faire parler. André, comme ferme la gueule à Eric live, là, on dérape. Mais non, c'est correct. Tu trolls. On est habitué. Je trolle pas. Événement marquant, Milter. Oui. Il est arrivé plein d'affaires en 2016, hein? Il y a eu plein d'affaires, il y a eu plein d'événements, il y a eu plein d'affaires. Il y en a plus drôles que d'autres. Il y en a eu des plus tristes. Il y en a des bons à plus tristes. Ça dépend t'es de quel bord de l'envers de la médaille. Puis si tu permets, j'aimerais t'en énumérer quelques-uns que les auditeurs ont su noter. C'est une question qu'on a rajoutée cette année, qui était l'événement marquant, qui était peut-être pas super évident pour les auditeurs. Donc, premier événement, selon un auditeur, Arambe est mort. La mort d'Arambe, on le sait, Dick South, Rest Well, Sweet Prince. L'arrivée de Trump, l'élection de Trump. Pas la même chose, ouais. Pizza Hut qui ramène les combos Triple Threat. Ça, j'avoue que c'est ça, quelque chose. J'avoue que c'est marquant. Ça. Toi, tu te rappelles, tu sais, comment, souviens-tu en 2016, ah ouais, Pizza Hut avait ramené le Triple Threat. Mais c'est quoi? C'est comme une boîte avec deux pizzas, puis un petit affaire au biscuit, puis du pain au fromage. Ouais. Non, mais c'est super hot. Cool. Non, mais écoute, en tant que. Ben, sais-tu quoi? La question qu'on veut savoir, est-ce que Pizza Hut est encore. Comment je dis ça? D'actualité en 2016. Ou quoi? Domino's. Moi, je vais dire de quoi, là, mais Domino's for life, motherfuckers. Oh, absolument. On aime le. Trump. Le statut en direct. De la rentrée de Trump au pouvoir. Tuerie au bar gay. C'était. Orlando, ça. Ouais, Orlando. Ouais. Trump for Prez. On va dire à 5 Trump. Élection de Donald Trump. 6 Trump. Je pense que c'était un landslide. Mais Trump. Élection là, américaine. Trump, c'est vraiment un phénomène. Mais la soirée de l'élection, c'était un événement. Tout qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est un phénomène. Oh oui. Comme on vit-tu dans un comic book ou on vit-tu dans la vraie vie? On est comme dans parce House que c'est of Cards. Weird, ouais. Même pas parce que dans House of Cards, c'est un vrai politicien. Là, c'est pas un politicien. Quand je dis House of Cards, c'est pas pour la ouais. On a l'impression de. Je vais reformuler ta question. Est-ce que notre amour des comic books? Nos films de super-héros nous ont tellement déphasé de la société qu'on a permis à un Trump aux élections d'arriver. Mais nous, on n'a rien permis parce qu'on est Canadiens. Nous, on a permis un Trudeau. Je dirais que le public cible des comic books n'est pas l'électeur typique de Donald Trump. Est-ce que c'est un électeur typique point? Est-ce qu'ils vont voter? Peut-être, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait une corrélation entre les deux, malheureusement. Mais moi, je comprends pas, là. Puis tu sais, je vais juste me permettre ce commentaire-là. Je comprends pas comment un gars peut gagner de même, mais qu'il y ait autant de monde surpris. Tu sais, on dirait, c'est le monde, tu sais, il était tout là, puis « Oh my God, oh my Chris, il rentre majoritaire dans l'État. » Ouais, mais moi, il a quand même rassemblement ça, au complet. Mais il faut faire attention. Il a gagné, il est rentré majoritaire avec moins de votes. Oui. Ce qui était très c'est divisé. C'est le système c'est d'élection américain qui ça est fucked up. Au Québec, on est pareil. Au Canada, on c'est pareil. Cave aussi, je sais. Mais, c'est, pas pareil, pareil, non, mais non, mais ça marche quelqu'un un peut peu rentrer même. Majoritaire avec une minorité de votes. Mais ce que je veux dire, c'est du 50-50. Mais c'est que t'en as la moitié qui était surpris, puis t'as l'autre moitié qui était comme, ben, de ceux qui ont voté, on s'entend. Qui était surpris de gagner. Ouais, mais c'est ce que je veux dire. Tout c'est le monde était surpris. On dit la moitié, mais il y a même pas la moitié des gens qui ont voté. Ouais, mais c'est un autre. Mais l'autre moitié, il était surpris pareil. Mais sais-tu c'est qui va être le plus surpris pendant les prochains 4 ans? Les Russes. Les Républicains. Ah, ben oui. Parce que eux autres, ils vont se rendre compte que la bibitte qu'ils ont mis dans les bureaux, là, c'est pas à tout qu'est-ce que ça peut. Ça peut se faire comme le PQ, là. Fait que, Milton, parle-nous donc 2016. Hey, on a tout. Il y a eu des fusillades. Une fois par année, on touche un peu politique. Il y a eu plein d'affaires. Non, mais pour de vrai, l'événement, ça a été Trump, je pense. Qui se fait lire la soirée là moi je l'ai écouté là, j'avais du popcorn puis de la bière puis je regardais ça puis j'étais comme wow, tu sais, puis tu voyais tout le monde avant qui disait comme il arrive, c'est sûr, nanana puis tout, puis moi j'étais là avec mon popcorn puis je voyais les chiffres monter puis ma femme elle dormait sur le divan à côté de moi des bouts puis elle se réveillait juste pour dire comme voyons donc, pour de vrai, comme elle se rendormait. Puis moi, je checkais ça, puis j'étais tout le long comme, voyons donc, est-ce qu'il est en train de torcher? Fait qu'on a eu des choses tristes. Puis je pense que tout le monde, ce soir-là, était là, en train de faire ça, parce que le Twitter puis le Facebook se faisaient aller de tous les bords. Ça a été un moment mondial. Une des élections américaines qui a été le plus regardée par les gens de l'extérieur des États-Unis. Ah. On l'a vu, c'était quoi? C'était la cote en bourse, je pense, à Shanghai, le lendemain. Ben, c'est 10%. Ça s'écroulait, ça avait pas de sens. Ça leur gonfle. Oui, ça a gonflé par la suite. Ouais. Mais on a posé une autre question qui est un peu plus touchée cette année aussi. On a posé une question aux gens, on leur a demandé le décès qui était le plus marquant, le décès ouais, ça, c'est qui a le plus touché les gens en 2016. 2016 a été reconnu. T'sais, si on voulait parler d'événements, on parlait d'événements de marquants où je pense que c'est. La faucheuse, la mort est un événement le marquant. Le nombre de 2007. Décès de gens populaires. Ben, statistiquement parlant, j'ai été curieux, j'ai comme poussé mon analyse un petit peu plus loin. Il y a pas Non, ne parle pas des enfants qui sont morts de la diarrhée, s'il te plaît. Non. OK, good. Mais il n'y a pas eu nécessairement plus de morts qu'en 2015. Pas en haut de l'ordi. Excusez. Il y a quand même pas eu plus de morts qu'en 2015 ou 2014 ou autre. Mais c'est que souvent, les c'est rien, c'est pas pour rendre la peine des gens ou le fait de mourir moins important. Les gens des années précédentes étaient peut-être moins marquants. Là, c'est juste... Il y avait tellement de personnes fortes qui avaient marqué la génération actuelle qui, malheureusement, nous ont quittés que je pense l'impression dans la population en général, on avait l'impression qu'il y en avait plus. Ben, ça, puis la population est vieillissante, fait que ça s'en va pas en arrêtant. Pour non, mais ça, il y en a, numériquement parlant, il n'y en a pas plus. C'est juste que cette année, il y en a eu, là, en 2016, il y en a eu plus d'influents qui sont morts. Ouais. C'est qu'on ben, parle encore, de René Angélil. Il va y avoir des Val Kilmer qui vont mourir bientôt, des Harrison Ford. Hey, c'est des... vrai, toi, t'as perdu ta gageure. De quelle gageure? T'avais collé à chatte que Kilmer, il partait cette année. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. 2017? De non, t'avais collé ça en 2016. Ok, c'est quoi j'avais gagé? Ben, t'as réécouter les vieux épisodes pour le savoir. Mais non, mais Val Kilmer, c'est bientôt, man. Premier quart 2017. Selon nos auditeurs, les gens qui... Hey, elle va-tu arrêter de mousser, tabarnak? Fait que les gens qui étaient le plus marquants. De qui tu parles, peux-tu arrêter de mousser? On dirait le genre de citation que j'entends quand j'écoute le show à Vandal Vixen à la TV. Moi, j'aimerais dire une mort qui m'a marqué, puis pas bien du monde, peut-être, ils l'ont vu passer dans le beurre. Puis c'est aussi un des meilleurs memes. Gene Wilder. Ouais, c'est Gene Wilder pour moi là qui m'a affecté parce que moi j'ai été élevé avec Gene Wilder. Moi j'ai vu. Il habitait à côté de chez sa mère, Eric, puis il gardait. Tu sais quoi? Une de mes plus grandes mémoires de Gene Wilder, c'est de pendant l'été, je me tenais dans un, on était dans une partie à Ottawa, le quartier Overbrook, puis un centre communautaire où ce que pendant le jour, les jeunes pouvaient aller hang out là, puis le soir, ils faisaient du crack avec Gene Wilder. Je peux continuer? Oui. Nice. OK. C'était Woman in Red. Ce film-là, j'ai vu ça trop jeune. Puis je vais toujours me souvenir quand ils ont... Quand la monitrice, la scène de sexe, qui est vraiment pas gratuite dans ce film-là, a vu ça. Puis on était comme genre 7 jeunes qui étaient comme quand même assez jeunes. Puis elle était... Oh non! Elle nous a toutes fait sortir du Christy de la salle pour fast-forward la scène de sexe de Woman in Red. Et non, c'est tout ça pour dire Gene Wilder. J'ai déjà vécu un moment de même à l'école pendant un film. C'était quoi le film, ça fait-tu? C'est tu quoi qui s'appelle là le vieux James Bond, c'est un blanc. Il parle Sir Roger Moore, Sir George Clooney, Sean Connery, George Clooney. Ouais. Sean Connery puis Wesley Snipes. Zardoz. Non, House of the Rising Sun. Ah oui, le film de TVA. Ouais. Ben, le film de TVA. Au début, il y a comme un meurtre là, d'une fille qui est... C'est une prostituée qui se fait tuer. Ouais. Qui se fait étrangler violemment pendant une scène de baise. Et on était là, nous autres, pendant une journée spéciale à l'école en secondaire 1, genre, puis le prof, il avait dit « Bon, on va mettre ce film-là. » Tard, il met, puis il était très le début. Il était retard, ce prof-là. Genre, je m'excuse, mais... Oh, oui, je sais. Mais moi, je voulais juste dire Gene Wilder, parce que j'ai été élevé dans le monde où ce que j'ai vu sa femme, Gilda Radner. Sa femme, Gilda Radner, qui était une femme de Saturday Night Live, qui était vraiment fucking drôle. Puis elle est morte du cancer très jeune. Puis Gene Wilder, il a disparu après sa mort. Ouais. Sa carrière après ça, je pense qu'il a essayé de faire un sitcom, mais on l'a plus revu depuis. Mais cet homme-là, il a marqué ma vie, que ce soit Charlie and the Chocolate Factory, que ce soit les films qu'il a fait avec... Il a fait beaucoup de comédies aussi. Beaucoup de comédies. On a toujours son nom. Le déménagement d'Arlo Bert. Dans Superman. Exactement, t'as raison. Dans Superman. ou The Toy. Mais oui, Gene Wilder, c'en est un. Pour moi, George Michael aussi mérite George un Michael, chapeau, man. Parce que lui, il était caché pendant qu'il était malade. Ah non, lui, c'est sorti. Personne ne l'a vu venir. T'sais, il y en a plusieurs dans la liste. Ça faisait longtemps qu'il gardait sa maladie cachée un peu. Richard Pryor, c'est vrai. Il est pas mort, lui, par exemple. Y'a-tu mort? Moi, je pense que oui. On parlait, tu sais, on parlait Leonard beaucoup Cohen. On parlait beaucoup de Carrie Fisher dans les choix, tu sais. Il y a eu, c'est ressorti, puis on s'attend à le voler un peu du spotlight de la fin de l'année à cause un peu du moment qu'elle est morte. Mais shout out à Kenny Baker qui est R2D2. Il est mort en 2005, Richard Pryor. OK. Ouais, Richard Pryor. Mais ouais, c'est vrai, Kenny Baker. Kenny aussi. Baker qui est mort cette année, c'est qu'on a perdu deux grands de Star Wars cette année. Mais Umberto Eco de Dolphin. Fidèle. Le père de Pierre-Éliott Trudeau, justement. De Justin. Le père de Justin, ouais. Tu sais, Carrie Fisher, moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Le père de Justin Trudeau? Ouais, il est mort, mais ses deux pères sont morts. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose là-dessus. Tu sais, Carrie Fisher, je pense, tu sais, mis à part Star Wars, mis à part, tu sais, All That Cocaine. Comment je peux dire ça? Il y a eu un moment de tristesse pour moi avec la mort de Carrie Fisher parce que c'était tellement à fin d'année. Puis c'est survenu tellement. Tu sais, Prince, tu perds Richard Pryor, tu perds David Bowie, George Michael, Arnold Palmer. Tu perds un paquet de monde, t'as quitté. Rob Ford. Je trouve que de la façon que Carrie Fisher est partie, c'était un peu crève-cœur parce que c'était. Carrie Fisher a eu un malaise cardiaque dans l'avion. Ouais, puis là, tout le monde, suite, c'était là. Comme Chris, tout le monde arrête de respirer, puis ils font comme fuck, elle va-tu être correct, elle va-tu être correct. Le lendemain, t'as un statement. Ok, elle est correct. Elle va être correct. Deux jours après, paf, she's gone. Puis ça a été un peu. Avec la sortie de Star Wars Rogue One, qui était. Tu sais, puis tout. T'sais. Honnêtement, je pense que les morts cette année étaient tellement weird. Comme David Bowie meurt. Son album est sorti comme presque en même temps, ou tu sais, à quelques semaines d'intervalle. Dans ses albums, dans son album, le premier single, il parle de lui qui meurt puis qui se regarde de l'au-delà puis qui. Ouais, mais il savait que ça s'en venait là. Oui, mais c'est ça qui est fucked up là. T'es comme Star Wars, Rogue One Story avec Carrie Fisher qui était comme pas dedans, hein, digitalisé, mais qui est comme un flashback. Ah, Carrie Fisher est dans Rogue. What? Qui est un flashback, tu sais, à ce qu'il a mis sa map puis. Ouais. Boom, c'est comme. Leonard Cohen, pareil. Ouais. So, là, donné, dire, bon, il était rendu le message quand même. Bob Dylan, whatever, le message quand même en parlant de la mort de Carrie Fisher puis qu'est-ce qui arrive à la fin de Rogue One, c'est que même quand tu meurs, tu vas être remplaçable maintenant. Ben tu sais, c'est pas Disney qui ont fait un statement récemment justement qu'il allait pas faire. Ben ils ont pas dit qu'il allait pas le faire. Le producteur a dit qu'il était pas question pour lui de faire un digitalisé de Carrie Fisher. Un producteur, ça se change. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, on a eu plusieurs décès marquants. Spoiler alert, elle meurt dans l'épisode 8. Puis, j'ai déjà tourné. Tu sais, moi, il y a une affaire que je trouve un dommage, mais intéressant, c'est qu'il y a un paquet de monde, suite à 2016, qui ont découvert Prince, qui ont découvert David Bowie. Ben, I Chuck l'a dit. Découvert du George Michael. Mais, puis, tu sais, c'est. Au moins, il y a quelque chose qui vit au-delà d'eux autres. C'est triste. Que les gens aient pas connu ces artistes-là avant, mais c'est bien. Tu sais, comme ça, Aichuk, il l'a assumé, puis c'est correct. Faut pas être gêné non plus de ça. Il dit, je vais le citer, là. Il dit, Prince et Leonard Cohen avaient une chose en commun. Je les ai découverts. J'ai découvert leur existence la journée qu'ils sont morts. Tu sais, si ces gens-là, malheureusement, par leur mort, vont faire découvrir leur art, qui peut, être apprécié ou non. Comme personnellement, je suis pas un fan de Prince, mais ça m'empêche pas de comprendre l'impact qu'il y a eu. Mais tu sais, Leonard Cohen, David Bowie, tu sais, John Glenn est mort. Who the fuck is John Glenn? Ben c'est un des premières personnes à avoir été dans l'espace avec John. J'étais pour répondre à ta question là. Tu sais, Buzz Aldrin puis toute compagnie. Louis Armstrong, ben oui. Neil Armstrong est mort. Neil Armstrong là. Louis Armstrong, le premier gars à mettre le pied sur la lune. Ouais, Tom Hanks qui s'est pas rendu à la lune. Mais tu sais, c'est le fun qu'au moins ces gens-là. Excuse, juste 30 secondes. Tu me fais penser, encore une fois, un autre bon meme que j'ai vu cette année. C'était juste toutes les bouts de films de Tom Hanks, genre Apollo 13, ouais. Castaway, telle affaire, pis t'es never comme, peu importe ce que tu fais, voyage pas avec Tom Hanks. C'est bon. Hey, on a même pas parlé d'Alan Rickman, en plus. C'est le gars d'Harry Potter, ça qui ressemble à Trent Reznor. Non, mais... c'est le gars de Die Hard. Ah, oh, je mélange tout le temps les deux. Ben, il joue aussi dans Harry Potter. Ah oh. Ouais. Merci, Guillaume. Mais c'est pour Joe, là. Hey, guys, il nous en reste pas gros pour closer 2016, puis on va pouvoir passer à 2017. Oui, il nous en reste une grosse. Mais regardes-tu de la grosse catégorie pour la fin? Ça dépend, parce que moi, j'ai un ordre, là. Je sais pas si t'es rendu à la même place que moi, là, mais moi, je t'ai rendu pas mal humoriste. OK, là, c'est bon. On va aller avec humoriste. OK, cool. Humoriste de l'année. Les gens sur les internets qui nous écoute, nous écoute pas. Laisse-moi deviner. Il y a quelqu'un qui a voté Fred Bastien. Hey, même pas. Hostie. Tu vois, hey, excuse-moi, mais ça, là, tu viens de me faire penser à quoi? La personne qui a pris le temps d'écrire Fred Bastien depuis le début, là, est où ta détermination? T'as choqué, rendu trois questions plus tôt. Copier-coller. Copier-coller. Si c'est quoi, tu l'aimes-tu ou tu l'aimes pas, Fred Bastien? T'as voté pour lui tout le long? J'espère d'abord que c'est Fred Bastien. As-tu voté Fred Bastien pour le décès marquant? Non, il est pas dedans, Fred Bastien. C'est pour ça qu'elle a perdu son beat. Mais il y a un gars, je sais pas c'est qui a écrit ça, là, mais il y a un gars qui a écrit Machat. Puis, man, honnêtement. Oh, ouais, as-tu laissé son numéro? Je trouve ça triste parce que perdre un animal, c'est pas évident. Pis je te niaise pas avec ça, honnêtement. Là, peace c'est... out à ta chatte. J'espère que... Rip in peace. J'espère que ça va bien, man. Pis... Ou madame. Rip in peace, c'est bon, ça. Ouais. Humoriste de l'année, Pierre Boulanger. Oh, câlisse. Et je me suis fait avoir avec celle-là. Shout out au hummus de Sambra. Mike Ward. Donald Trump. Mike Ward. Hey, j'avoue, Donald Trump, hein? Peter McLeod. C'est son année. Mike Ward. McLeod. Julien Bernatchez. Mariana Mazza. Donald Trump. Farid, avec un Y. Aucune crise d'idée. C'est qui, Farid? Qui doit être un Français. OK. Et Louis C.K. Louis C.K. C'est la version mexicaine de Non, c'est Louis. Oh, I see what you're doing. Petite parenthèse, Farid, connu aussi sous le nom de Farid Lopez, est un humoriste français né en 91 à Saint-Maur-des-Fossés. Cool. Fait qu'un jeune français de 24 ans. Mais attends un peu. Fait qu'on a un français qui a pris le temps de répondre, puis ça, c'est fucking cool. Mais votre humoriste de l'année, c'est qui, vous autres? Certainement pas Peter McLeod. Phil Roy, s'est-tu cassé le coup en 2016 ou 2017? Je sais pas. Je pense que c'est début 2017 parce que c'est le nouveau émission à Valérie Véronique. Mais Phil Roy, j'avoue que moi, je serais porté à dire Phil Roy parce que 2016, là, on l'a vu. SNL Québec, c'est pas 2016. Mais en 2016... On l'a vu partout. Il était partout. Puis c'est comme, selon moi, l'humoriste de la relève qui a comme overtake les médias de masse. Ouais. Comme, tu sais, les télés, là, maintenant. Il a signé tous les contrats partout qu'il pouvait à Vrac, à Musique Plus. Puis, shout out, là, lui, c'est le prochain gros joueur. Je suis pas un fan numéro un, mais je l'ai. Je m'en ai dit, je le trouve pas super. Il est correct. Qui ça? Phil Roy. Je le trouve correct. Tu sais quoi, moi, Phil Roy, je l'ai vu à Place Valois l'année passée. Il avait encore son collet à Torticolis. Il était très drôle. Mais non. L'année passée, pendant un festival, je pense que c'était la Saint-Jean. Il y avait des humoristes à Saint-Jean, à Place Valois. Puis lui, il était parmi la gang. Là, puis il était très drôle. Je vais essayer de voir si je peux l'inviter. Je vais essayer. Ouais, Phil Roy, c'est un des premiers humoristes que j'ai fait une demande. Ouais. Il a dit oui. Puis c'était pendant le début de Saturday Night Live, là, Québec, SNL Québec. Mais on a eu des conflits d'horaires, ça s'est jamais concrétisé. J'essaie de voir si je peux relancer. Moi, je vous dirais, là, humoriste de l'année, pour moi, ça serait... Ben, Donald Trump. Catherine Novak. Ouais, elle est vraiment bonne. Elle. Moi, cette fille-là... On parle-tu, voulez-vous qu'on parle de... À chaque polémique. Fois que... Quelle polémique? Avec Catherine Novak, il y a de la polémique. Ouais. Je veux même pas la savoir, si ça a pas avec la perte de poids, je m'en calais ça. C'est exactement ouais, ça. C'est non, mais il y en a eu beaucoup, c'est pour on ça. S'en ouais, c'est on s'en calisse. Moi, doublement pour ça, parce que justement, sa réponse, ça a été, c'est pas de vos calisses d'affaires. Puis, that's it, GG. Props pour toi d'avoir fait ça. Mais Catherine Novak, à chaque fois que je la vois... Dans un rôle, elle joue un personnage, elle me fait fucking rire. Puis justement, elle m'a découvert de avec SNL moi. SNL était bonne. SNL Québec, elle me faisait rire. Like moi est drôle. Like moi est vraiment drôle. Tu sais, c'est juste, je trouve, elle a juste l'air genre nice girl drôle. Puis ah. c'est le fun, tu sais. Puis je suis tanné des humoristes flamboyants. Je suis tanné, là, des... C'est con, là, mais Mike Ward, j'ai déjà ri beaucoup de ses jokes, mais... Malgré lui, là, parce qu'il a pas choisi ça, mais Mike Ward, là, on dirait, là, si je pourrais passer comme un an et demi, deux ans sans en entendre parler, puis qu'il revienne après, je pense que je vais le trouver meilleur. Parce que là, j'ai un écœur anti. Le pire, c'est qu'on n'entend pas parler pour son humour présentement. On entend parler à cause du jury des d'autres affaires. 2016, là, c'était l'année, là, c'est comme Chris Guillaume Wagner là, qui chiale sur l'autre parce qu'il y a une commandite de Maxime. Y a-tu quelqu'un, tu sais, puis j'ai aimé ça dans le bye-bye qu'ils font. La fondation, y a-tu quelqu'un qui peut trouver un contrat à Guillaume Wagner pour qu'il ferme sa gueule? Ça, je l'ai trouvé drôle, cette joke-là. Je me souviens plus son nom. Fred Dubé, ouais. Qui a perdu sa job parce qu'il considérait qu'il était trop politique, mais dans le fond, le monde sur Internet disait, c'est pas parce que t'es trop politique, c'est parce que t'es trop poche. Je suis juste tanné de ça. Tu sais, l'humour pour moi, c'est, Savez-vous, je vais vous donner un meilleur exemple de c'est quoi l'humour pour moi présentement. L'humour pour moi, là, c'est ouvrir Netflix, prendre un vieux stand-up américain ou un stand-up d'un gars que j'ai jamais vu, écouter ça, rire, fermer Netflix, puis passer à autre chose dans ma vie. L'humour pour moi, là, cette année, là, puis tabarnak, j'en parle, c'est venu me chercher, man, ça me fait chier. Je m'en crisse de vos causes sociales. Puis je m'en crisse du droit de censure, puis tout le kit, puis blablabla. Puis là, il y a plein de monde qui vont faire « André, tu peux pas t'en crisser du droit de censure, mais voyons, oui, blablabla. » Mais non, je m'en calisse. Sais-tu quoi? Un humoriste, il est là pour me faire rire. Puis si un humoriste, après ça, là, c'est de la polémique, puis tout le monde se tape dessus, puis tout le monde se chiale après, puis t'as l'affaire. Hey, fuck off, là, regarde. Fait que, humoriste de l'année, Catherine Levaque pour moi. Moi, je vais dire, c'est pas juste québécois, hein? Ah, oh, tu peux y aller à grandeur. Là. Dave Chappelle. C'est un retour de Dave Chappelle. Dave Chappelle comme américain. Puis... Son SNL était-tu pas Son assez SNL bon? Était très drôle. Puis il y a deux spéciales sur Netflix. Vous voulez parler de SNL? Non, je veux parler de Dave Chappelle. Et de... Dave Chappelle, je trouve... Dave Chappelle, je suis très content qu'il soit revenu. Je l'ai vu juste dernièrement sur Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, il a fait un genre de jeu avec Michelle Obama puis Jerry Seinfeld. C'est un genre de categories. Wow. Puis il était très fucking drôle, les deux, de le voir en plus avec Jerry Seinfeld. À un moment donné, il était en train de chialer que son show il était annulé comme une petite one-liner. Puis t'as Jerry Seinfeld en avant de lui qui est comme « Take the 60 million and shut up ». C'est des petites choses comme ça là qui t'es écœurant. Mais je suis content de voir le retour de Dave Chappelle parce que ben moi puis André, je sais qu'on a partagé beaucoup de moments de Dave Chappelle show. 2016 là. Avait besoin de Dave Chappelle. Oui, 2016 avait besoin de Dave Chappelle. Dave Chappelle, c'est genre le RBO américain où ce gars-là, il arrive, il s'en calisse, il est intelligent au bout, puis il fuck avec tout le monde. Puis il a inspiré toi. Si t'es assez chanceux d'interagir à un niveau personnel avec André, il va te dire « fuck your couch » au moins une fois. Fait que, en tout cas, Dave Chappelle, puis aussi, shout out à Prince qui est mort, qui a utilisé Dave Chappelle déguisé comme Prince. Mais tu veux parler de SNL, excuse-moi. Parce qu'on parle de SNL, puis de retour, mais on avait vu le retour d'Alec Baldwin. Pendant l'année, à cause de Donald Trump. Donc, Alec Baldwin qui a fait un genre de comeback humoristique à SNL à cause de Donald Trump qui était un de nos supporters. Mais il était là avant pour les élections. Mais c'est moi je me rappelle quand Donald Trump il était élu là. S'il n'y a pas de Donald Trump, il n'y a pas de retour d'Alec Baldwin. Non, c'est clair. Mais quand Trump était élu le soir des élections, mon premier meme c'était Alec Baldwin qui était en train de faire un levée de chaise puis t'es comme thanks for the next 4 years. Messieurs, 8 ans, 8 pour ans. La guise du temps, Milter, avais-tu quelque chose à ajouter? T'as pas parlé beaucoup, toi, humoriste de l'année. Il a parlé de Bulldog, là, Phil Roy est partout. Bulldog, il était carré. Et voilà, avec c'est ça. Son podcast c'est... avec Joël, puis la vie en général, puis tout, là. Charlotte Bulldog. Mais Bulldog, c'est Bulldog. Ouais. Il est super drôle, moi, je l'aime bien. Guillaume, super nice guy. Moi, c'est juste, comme un peu André dit, là, je me calisse de l'humour, on dirait. À part de Bulldog. À part ouais, pour ouais, rire. Non, à part lui. Ouais, mais à part de parler de Peter. Le trop d'affaires, je regarde un show, c'est drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle, puis il n'y a pas personne qui a ressorti plus. J'ai dit Phil Roy parce qu'il est juste partout. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est une bonne année pour lui, puis that's it. Le gars, il est drôle, mais c'est pas mon meilleur. Il y en a que je trouve meilleur. Mais je trouve que l'humour au Québec cette année, ça a été beaucoup de niaisage, de polémique. Puis, comme André dit, ben, je me tape un spécial sur Netflix que d'un gars, je fais comme, oh, j'ai pas vu, ou, oh, shit, Aziz Ansari a sorti un nouveau show, ben, clac, j'écoute ça, puis ça date, c'est souvent plus drôle, puis. Joe, j'aimerais utiliser tes talents pour la prochaine question, si oui. tu me permets. On va aborder la chanson de l'année. Oh! C'est arrivé à quelques occasions, puis là je te mets sur le spot, je m'excuse d'avance, mais c'est arrivé à quelques occasions au collectif où tu nous as chanté des extraits de chansons. Oui. Afin de mettre le monde en contexte un peu, je te demanderais peut-être de m'aider. OK. Là, je m'excuse d'avance. Il y en a certaines que tu vas pouvoir m'aider, puis il y en a d'autres que je sais même pas moi-même si je pourrais m'aider. Non. Donc, voici les nominés de nos fans pour la chanson de l'année. H-E-A-T-H-E-N-S. Heathens. Heathens. C'est 21 Pilots. Probablement. C'est une toune sur la trame sonore de Suicide Squad. OK. Puis c'est, il y a ce petit refrain dark, là. Oh, my friends are Heathens and you know. On a fait la main. Merci. Marshmallow Ritual. Aucune idée. C'est moi non quoi. Plus. Don't give a shit. Ça, c'est sûrement du hip-hop. Ouais. Seven Years, Lucas Graham. Ouais, c'est Once I Was 7 Years Old. Mais c'est vrai, c'est une belle chanson, ça. Je l'ai écouté très souvent cette année. Ouais, puis là, il évolue avec les âges, là. Once I Was 50 Years Old. All Time Low, John Jellion. Belayan, Belayan, ouais. Belayan. Belayan, je sais pas. Elle est bonne, cette tune-là, moi, je trouve. C'est, il fait, ça, je trouve ça drôle parce que mon gars qui s'appelle Logan, on l'appelle Lolo, des fois. Puis dans la toune, le refrain, c'est, il dit I've reached an all time low low low low low low low low low low low low low low low low. Il fait ça comme pendant 2 minutes. Fait que là, mon gars, il est comme là, mais il capote dans le char quand elle joue. Heathen 21 Pilots, Daydreaming Radiohead. Aucune idée, c'est qui je suis plus capable de dire. Qui écoute du Radiohead encore? Overrated. David Bowie, No Plan. Hey man, ça là, tu sais quoi, juste tout ce qui est sorti, Dark Star, toute cette affaire-là, là. Juste pour les frissons que ça donnait, parce que tout le monde va faire semblant qu'ils l'ont écouté avant qu'il est mort. Non, non, c'est fou. Puis c'est toute la bullshit, parce qu'on l'ignorait tout. Mais quand on l'écoute après, là. Mm-hmm. Puis shout out à tout le monde qui en a sûrement une couple qui l'ont vraiment écouté avant que ça sorte, puis qui a peut-être catché un peu. Là, les vrais de vrais fans. Il y en a sûrement. C'est la plus grande fan de Bowie qui existe, je pense. Puis elle l'a pas vu passer ou. Oh, ouais, ouais. Elle a acheté genre 3 copies okay, de ben, qui sort. Mais ben, tu vois, là, ça, shout out à ça. Mais le monde qui l'ont écouté après la mort, là. Les sensations que cet album-là te fait ressentir après les vidéoclips qui est mort, sont les vidéoclips ou ce qui est en train de mourir là. Là, on va avoir des frissons de nous-mêmes aussi parce que Milter, le prochain nominé est Sorry de Justin Bieber. Oh, il fait juste dire I'm sorry. I'm sorry. On doit faire un album là, qui refait les meilleurs hits de l'année. I'm sorry now. C'était juste sorry. Ça, je voulais qu'il y a chaud. David Bowie, Lazarus. Ouais, ben c'est dans même. Moi, je mettrais tout l'album de David Bowie dans ça. Là, c'est David Bowie, point étoile. La prochaine a été nominée comme chanson de l'année par un des auditeurs. Qu'est-ce par contre, ça aurait pu être dans une autre catégorie aussi. On parle de PPAP. Pineapple, Pineapple Pie. Qui était un des vidéoclips de l'année. En fait, il était le deuxième vidéoclip le plus vu de l'année, Viro. Tu sais, j'ai regardé une fois, puis plus jamais retourné là-dessus. Et la prochaine chanson nominée, Heathens de 21 Pilots. Hey, elle apparaît bien trop souvent. Moi, je la trouve mauvaise, cette tune-là, comparée à leur autre single qui avait sorti avant. Mais moi, c'est les voir sur Saturday Night Live que je trouvais ça comme ils étaient très frustrés à jouer leur tune qui est un One Hit Wonder. Ils veulent pas l'avouer encore. Oh, c'est lourd. Là, fait que là, vous autres, c'est quoi vos tunes de l'année? Moi, je vais commencer avec Starboy. Starboy? C'est The Weeknd. Weekend pis Daft Punk, mais c'est Daft Punk pis ça Weekend. Sonne comment ça, Milter, Starboy? Elle, je serais pas capable de la chanter. Je sais exactement c'est quelle tune, mais j'ai pas le... Tu viens de décevoir une j'ai génération beat, d'auditeurs. Mais Starboy, ouais, bon choix. C'est Starboy, puis j'avais aussi, on en avait parlé pendant qu'on mangeait nos sushis. Moi, j'aimerais faire dévoiler que cette année, j'ai commencé à apprécier Drake pour la première fois, parce que pendant des années, j'étais comme sûr, c'était un autre rapper. Mais Drake, je commence à vraiment à triper dessus. Puis One Dance de Drake, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis même à l'arcade, c'est genre de... Tu sais, comme à l'arcade, on essaie de viser un vibe plus 80s rock, 80s rétro. Mais les vendredis soirs, moi, quand je suis là, j'aime ça parce que y a bien des jeunes étudiants qui sont là. J'aime ça mettre un petit peu plus la musique courante. Puis One Dance, ça va jamais faillir. À chaque fois que je vais drop un One Dance à 1h du matin à Arcade Montréal... je vais voir au moins une fille qui commence à shaker son booty en jouant à Terminator, genre comme. Puis One Dance has power. Mais t'as parlé de chansons et Shawn de Mendes, d'Arcade Montréal. Ah, ok, bon, excuse. Moi, je voudrais juste faire un shout-out au dude qui chantait du Britney Spears pendant qu'il jouait à, je pense, c'était Street Fighter que t'as c'était mis. C'était hot, ça. C'était assez. Ça, en passant. Moi, je dirais spécial. J'aimerais dire que ça, c'est un ami. Puis Pierre, il est naturellement comme ça. Puis gros shout-out à Pierre, c'est mon bro de la job, je l'aime bien, c'est un bon chum. Il a l'air dedans, moi j'apprécie le monde qui sont dedans. Lui, là, quand ça vient à de la musique catchy comme ça, là, il a aucune honte, il aime ça au bout, lui pis sa femme. Si jamais t'as la chance de hang avec lui pis sa femme. Il me semble être voir. Le genre de gars qui aurait une petite queue de cheval. Ouais, il y a un man bun en ce moment. Okay, on l'appelle plus Pierre, on l'appelle Amor. parce que son nom c'est Pierre Amor Abdelli. Ah. Mais oui, ça c'est une vraie personne qui était très honnête en faisant ça. Puis mais tant mieux, du monde honnête, il en faut plus. Puis il a demandé pour du Britney Spears, j'y ai mis. Puis il était un petit peu pompette, puis il a vraiment aimé Marvel vs Capcom en chantant du Britney. Ben, parlant d'honnêteté, là, moi ça a l'air con, puis il y a peut-être un paquet de monde qui vont me juger, mais 2016, oui, on a perdu des grands de la musique, mais aussi ça a été pas mal une des premières années où t'as eu du monde qui ont fait comme « Hey, Justin Bieber, c'est de la merde! Hey, mais c'est lui qui chante ça! Hey, hey, il est pas si pire que ça, sorry. Finalement! » Ben, c'est ça. Tu sais, c'est son album qui a sorti, c'est le genre d'affaire que t'as un paquet de monde qui diront jamais ouvertement « Hey, bonne la toune! » Mais ses astuces tunes, il était catchy, puis il a joué souvent, partout. Puis la preuve, regarde, tu l'as chanté, puis je suis sûr que, au moins vraiment que j'ai parlé de la toune, on avait tout le refrain en tête, des affaires de même. Ouais. Moi, je trouve que... J'ai toutes ces... Lui et Drake, beauté. En 2016, ça a été du Bieber puis du Drake, je trouve. Puis en 2017, d'après moi, on va avoir du Bieber-Drake. Mais attends. Ensemble. Il manque une couple, là, je les ai ici, là, mais je pourrais les dire aussi. Moi, je veux mais juste... Sia mérite un petit shout-out. Oui. Sia, c'est très fort là-dessus. Puis c'est-tu moi ou c'est-tu juste 2016 ou c'est-tu la nouvelle affaire, ça? Je sais pas si c'est à cause que beaucoup s'est basé ces playlists de Spotify maintenant et tout. Mais je trouve qu'il y a... Comme avant, quand t'as regardé un top 50 Billboard d'une année, tu sais, t'avais une couple de hits d'un artiste. Mais là, en ce moment, tu vois les mêmes artistes qui sont vraiment partout. Là, comme histoire, les discographies au complet, là. Ouais, dans une année, là, comme, je trouve ça vraiment spécial. Moi, je veux faire un shout-out à, je l'haïs, la toune est plate, là, mais Ariana Grande pis Nicki Minaj. Ouais. Qui ont réussi à faire une toune pop. Side by side. Qui parle juste de se faire fourrer tellement hard que tu marches side by side. Fait que, c'est comme, j'en reviens pas que quelqu'un qui met ça à radio commerciale en anglais. Pis qui se rend pas compte, genre, de casser qui parle, genre. Non, mais il y a raison, c'est pis vrai, en plus... Pop music, c'est tellement l'affaire la plus... À vous aussi, là. Sexuellement explicite. À vous. Ben, c'est elle... comme quand on avait, là, c'était quoi, là, l'autre, là? I know you wanna... Ouais, le rape song, là. Le rape song de l'autre, là, l'année passée, là. I know you wanna... C'est Pitbull, ça, non? Non! Avec Pharrell... C'était quoi ça? Whatever, c'est une rape song. Une chose que je sais, c'est qu'à chaque fois que tu parles de, à chaque fois que c'est je... Robin Thicke. Ouais, oui, Robin Thicke est avec la Bruno Mars là-dedans. Lines. Mais avec la top modèle à moitié à poil dans l'émission aussi. C'est vrai. Ariana Grande, en passant, j'ai de la misère avec elle. Hey, conne, non, mais c'est pas que j'ai de la misère avec elle, c'est que cette fille-là a comme a fait une image sexuelle d'elle-même, mais elle a l'air comme qu'elle a 14 ans. Puis c'est ça le fuck. Mais elle joue là-dessus, malheureusement. Puis elle joue là-dessus, en plus. Elle n'a pas 14, par exemple. Non, mais c'est ça, mais elle a de l'air comme qu'elle a 12 ans. Puis elle est maintenant un personnage dans Final Fantasy. Mais je dois dire quelque chose. Moi, une des vidéos qui m'a le plus marqué... 24 Carat. Non, c'est quand elle était à Jimmy Fallon. Bruno Mars. C'est ça, Jimmy Fallon. Elle a fait les Musical Impression. C'est un genre de série. C'est Céline Dion, là. Elle a fait... Ben, c'était Céline Dion, mais elle en limitait d'autres. Puis j'ai montré ça à ma blonde. Non, mais c'est naturel, là. Elle a du talent, là. Elle a du talent en sacrament, là. Puis, mais elle est conne. Oui, mais... Mais elle est bonne. Elle joue une game pour faire de l'argent. Ben oui. Elle se fait manipuler un peu, ou elle joue la game un peu comme l'autre, là, que... Voyons, Colin, comment il s'appelle, là, celle qui faisait le boulet de démolition, là. Comme Steve Guttenberg. Miley Cyrus. Comme Christina Aguilera a déjà fait dans le passé. C'est... Elle fait exprès pour émoustiller les vieux mononcles cochons, puis les jeunes, puis elle fait de l'argent à tonne, puis elle rend attends. Fait que Je dis pas que c'est acceptable. C'est acceptable de l'industrie de la pornographie, mais par contre... Pas la musique. Pas la musique. T'as pas le droit de vendre du sexe. Mais c'est ce que le problème que moi j'ai avec ça, principal. C'est juste que... Moi, le problème que j'ai avec porno, ça, c'est que t'acceptes Robin Thicke, puis elle a pas le droit de parler. J'ai pas dit que j'acceptais nécessairement. Calisse. C'est son poster dans ton bureau. Exact, ouais, c'est sûr, mais ça veut pas dire que je l'accepte, c'est pour le dénoncer. Juste pour dire, en parlant des chansons, chanson de l'année que je trouve qu'il y avait un slow build-up pour moi. C'est j'ai dit vite fait le 24 Karat de Bruno Mars. Tu l'entends la première fois, pis t'es comme, hein? 24 Karat, man. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a un hook. Le hook dans 24 Karat. What you gonna do? Il y a un très bon hook. Puis le hook, qui, je sais pas, au début, t'es comme, tu te demandes. C'est comme s'il dirait qu'est-ce que tu vas faire. T'as-tu, ouais, ben clair, là, c'est exactement Bruno ça. Bruno Mars, il y a tout le temps un bout qui crie, là, dans sa tune, là. Ouais. C'est, don't forget, c'est quoi, don't believe me, just watch. Ta-da. Puis là, I'd catch a grenade for you. Tu sais, c'est comme pas capable de juste chanter. Nos auditeurs remercient leurs écouteurs présentement. Oui, ben je m'ai retenu un peu. C'est correct, ça. Le compresseur s'est fait aller. Là, on va embarquer dans une catégorie que j'imagine que Guillaume jubile de savoir. Celle que je vais garder pour la fin, là? Celle que... Ah, tu vas garder pour la fin? Bon, on va passer à la prochaine parce que catégorie. Parce qu'il va falloir couper l'épisode à ce moment-là puis faire une deuxième heure juste sur cette catégorie-là de Guillaume. C'est ça. C'est pour ça qui va être un monologue non scripté. Mais de... non, Eric, okay. Ils vont embarquer. Meilleur livre puis, 2016. Harry Potter and the Cursed Child. Non, parce que c'est écrit comme une pièce de théâtre puis c'est pas lisable. Elon Musk. Ok. Marvel. Pour l'ensemble, Marvel. Pour l'ensemble de leur œuvre. La femme qui fuit. C'est un vrai livre, ça? C'est vraiment écrit ça pour de vrai, là. Ça, c'est... Oui. Ok. L'autre reflet de Patrick Sénécal. Ah, oui. Ma femme, elle l'a, je pense. Star Wars Bloodline. Ouais, c'est bon. Très bon choix. Fiston, de Joe Roberts. Il y a peut-être un livre là-dessus. Oui. Cool. Armada, Ernest Klein, sorti en 2015, mais lu en 2016. Il assume, c'est bon. J'adore qu'il l'assume. The Life Engineered. Ouais, ça, c'est mon choix. Ça. C'est pas un film, ça? Le Pharmachien. Pharmachien. A Song of Ice and Fire, A Game of Thrones. Il y en a pas qui sont sortis en 2016, mais c'est correct. En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween? C'est pas une joke. Là, okay, non, mon t'as lu ça, l'a toi? Eu. Ben, qu'est-ce, l'économie, qu'est-ce c'est moi, bon, hein? Mon beau-père l'a eu en cadeau. C'est pas de la merde, là. Non, mais fait Pierre-Yves McSween. Fait que c'est ça, ben, y a-tu quelqu'un qui a de quoi rajouter? Moi, j'ai pas lu le livre cette année. Moi, ma femme a lu tous les livres de Patrick Sénécal, fait que je vais aller avec la personne qui a dit ça. Parce que moi, j'ai probablement pas lu. Pour mettre un peu de viande autour de l'os, Harry Potter and the Cursed Child a été le livre le plus vendu sur Amazon de cette année. Donc, mais ça dis quoi? C'est-tu un livre? C'est en fait. Parce que c'est un screenplay, c'est plus un screenplay, en gros, un théâtre. Livre, c'est le screenplay du film. Parce que, à la différence de la première série, le film est venu avant le roman. Donc, en effet. C'est mais le film n'est même pas sorti encore. Non, je sais. Puis le livre... Mais c'est comme le livre sur du film au cinéma basé sur l'écriture de J.K. Rowling, mais qui se passe aux États-Unis, là. Fantastic Beasts. Ouais, mais ça, c'est un screenplay inspiré d'une idée. Tandis mais c'est un screenplay nouveau... avant d'être un roman. Oui, aussi. Mais là, c'est comme si Star Wars était basé sur une série de livres très populaire. Ouais. Puis là, l'épisode 7 s'en venait... Mais c'était l'épisode 7 avait pas de livre cette année-là. Mm-hmm. Ils ont juste sorti le screenplay paresseux du film. Oui. Non, mais c'est mais quand même le screenplay gros vendeur d'Amazon qui est le plus gros vendeur de livres. Ouais, moi, OK, j'ai lu un livre. J'ai lu genre comme au moins trois paragraphes de celle-là, puis je me suis tanné. De Harry Potter. Ouais, parce que je l'ai acheté pour ma femme. On l'a reçu. On l'a en hardcover. Mm-hmm. Elle a lu, mais elle aimait pas que c'était un screenplay. Ouais, non, mais elle a acheté sans même le lire. Ouais. Combien de personnes l'ont acheté sans savoir que c'est un beaucoup, screenplay? Ben, comme sûrement la plupart des gens sur Amazon. C'est ça, là, comme c'est trompeur un peu. Mais moi, ça, j'avais voté pour The Life Engineered, qui est un roman écrit par un Québécois, qui a été l'objet d'une critique, je crois, dans un autre épisode du passé. Je dirais pas lequel, comme ça, vous allez pouvoir toutes les écouter, savoir c'est lequel. C'est qui est mystérieux. Non, j'étais un peu agace. Mais je voudrais faire un shout-out, moi, à un livre qui a comme pas été mentionné et que je n'ai même pas voté pour. J'espère qu'il va te répondre. De quoi, le livre? Ouais. Ouais, en effet. Mais peut-être que Mark Manson, qui est l'auteur, va me répondre, mais c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, deux petits points, A Counterintuitive Approach to Living a Good Life. J'ai découvert ce livre la semaine dernière. You don't give a fuck. Puis je l'ai rajouté dans ma wishlist d'Amazon parce que, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, pour un titre de livre, moi, ça gagne. Puis, je peux-tu le mettre dans ma waiting list de Québec Loisirs? L'art subtil de pas s'en coller de... Ça doit pas exister. Ça serait ouais, genre l'art subtil de s'en coller ici. Peut-être qu'un jour ça va être écrit dans Québec Loisirs. Savais-tu qu'il y a une boutique Québec Loisirs? Aux non. galeries de la cathédrale à Québec, au troisième étage, caché dans un coin. Je te le montrerai, Eric, la prochaine fois qu'on va à Québec. J'ai été surpris. Hein. On va pas aller à Québec avec un bon petit bout, je pense. Ben, un moment donné. Peut-être ça existera plus. The subtle art of not giving a fuck. Ouais, c'est que selon moi, dans mon congé de paternité, ça risque d'être un achat pour accompagner. De conditionner au mois à venir. Non, juste pour avoir de quoi à lire, parce que en fait, il y a le dernier chapitre de Star Wars. Tu peux l'écouter gratuit sur Audible. Ouais, mais des livres Audible, c'est pour les losers. Non, Audible, c'est pas pour les losers, parce que si vous vous abonnez à Audible Live, là, en utilisant le code geek, non. Top 10 des choses qu'on fera jamais, Calis. Donc, non, les livres... Pas avec Audible. Le problème des livres, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes les sortes. Il y a de la fiction, de la non-fiction, du sci-fi, du... J'aimerais faire un shout-out au gars qui a lu Armada cette année, pendant qu'il était en voyage à Cuba. André, ça? Ouais. Lisez Armada. OK, c'est super simple. T'aimes les années 80, t'aimes les jeux vidéo... T'aimes The Last Starfighter. T'aimes The Last Starfighter. T'as déjà mis une toune de Kiss, Poison ou Def Leppard sur une cassette TDK. T'as déjà écouté The Last Starfighter. T'as un vieux chandail tout troué avec un veston en cuir avec des patchs dessus. Puis t'aimes bien Ender's Game. tu loues. Ou t'as lu Ready Player One. Ouais, c'est ça. Puis t'as aimé The Last Starfighter. Ben non, mais sans joke, Armada d'Ernest Cline, c'était du fucking bonbon. Puis ça me fait penser que on va tomber dans la catégorie BD, mais tantôt, je vais vous parler d'un de mes souhaits pour 2017. J'ai hâte d'en apprendre plus sur le film Ready Player One. Steven Spielberg, Amblin Entertainment. Ça va être fucking fou, mais... John Hughes, Better Represent. Le livre Armada... Tu sais, Milter parlait d'une bibliothèque tout à l'heure, là. Allez-y à la bibliothèque, puis louez-le. Puis le même à la bibliothèque de Mascouche. Là. Fait que, tu sais, regarde, c'est partout. Ernest Cline, honnêtement, chaque livre qu'il fait, c'est juste fou. Puis c'est carrément... Moi, je m'inquiète. Dans le cœur de notre génération, là. C'est toi qui m'inquiète le plus du film de Ready Player One? Non. Qu'il n'y a pas de John Hughes. Ouais. Quoi? Ouais. You'll get it. Meilleur BD. On en a quand même pas mal à dire. Release the Kraken. C'est sûrement Deadpool. Punisher 2016 d'ailleurs. Donc, Punisher. On va commencer par les sales charts. Parce que c'est une chose qu'on fait. On a fait pour les films, on a fait pour d'autres. Le plus gros vendeur donc de bande dessinée, le numéro unique, selon vous, avez-vous une petite. Sans regarder moi, je dirais, ça serait Civil War la suite. Je suis pas Punisher, mais je. Il y a pas un Civil War 2 qui est sorti cette année? Oui. Est-ce que j'ai raison? C'est The Re-Civil War. En gros. Le plus gros vendeur oui. en termes de units. De units. Captain America. Eric est le plus proche. Cette année, on a eu le comment je faisais ça? On a vécu l'effet Loot Crate à son apogée. Loot Crate, depuis quelques années, il est de plus en plus populaire. Et il y a même un White Guild Crate qui vient de sortir. Il y en a plusieurs. Puis on parlera pas des on parle pas des Nerdbox et des autres, mais. Loot Crate sont tellement gros qu'à eux seuls influencent le palmarès. Le meilleur vendeur en numéro unique, c'est Big Trouble in Little China, Escape from New York, de Boom Studios, qui est un genre de studio. Comment est-ce qu'ils mélangent les deux? Je comprends pas. Je ne sais pas, j'ai pas lu la BD. Mais c'est-tu vraiment... C'est comme le un meilleur vendeur parce qu'ils ont shippé tellement de Loot Crate qui venait avec la BD... que en termes de vente unique, ça allait dépasser Civil War 2 numéro 1 qui était le numéro 2. Ça c'est comme pas pire. Ça dans le fond, c'est comme la fois que Grégory Charles avait sorti un album. On en revient à cette pas encore l'histoire de Grégory Charles. Il en avait shippé 100 000 pour avoir ses plaques là. Pour avoir les plaques de c'est pas lui qui avait manigancé ça, mais ils l'ont shippé 100 000, ils ont donné une plaque au gala de la disque. Spare bye dire... bye, si on n'a pas l'histoire de Grégory Charles, c'est ça. Puis après, il a retourné 97 000 copies de son album. Mais il en a vendu plus que Jacques Villeneuve. Oui, qui en a vendu 217, je pense. En tout cas, on sait c'est qui le maillon faible de cette partie ici là. Oui, Jacques Villeneuve. Mais moi, je voulais faire une mention honorable à joke à DC Comics qui, dans le top 10, ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes dessinées. Fait que où ce qu'ils réussissent pas au cinéma, ils réussissent dans la qu'est-ce qui compte. Oui, mais il y a quand même un phénomène à observer. Il y a eu l'événement Rebirth cette année pour DC Comics, donc plein numéro 1 de BD de de livre qui recommençait la numérologie. As-tu remarqué, Guillaume, que le monde tombe encore dans le panneau des numéros 1? Ah oui, ben oui, c'est clairement. Puis c'est pour ça qu'il y a des... Ça vaut cher, un numéro 1, maintenant, tu mets ton enfant à l'université avec ça. Ben, c'est ça. Exactement. Donc, si on regarde, ensuite, on a Harley Quinn numéro 1, numéro 3. On a Champions numéro 1, ça c'est chez Marvel. All-Star Batman numéro 1. Batman numéro 1, Black Panther numéro 1, DC Universe Rebirth numéro 1, Justice League numéro 1 et Suicide Squad numéro 1. Si tu vois des personnages comme Black Panther, ça aurait jamais vendu autant s'il n'était pas dans un film quelconque qui s'en vient, parce que le monde y pense que si ça l'explose, ça va prendre la valeur ou quelque chose de même, mais le monde n'y cache pas que la 8e série numéro 1 de Black Panther ne vaudra fuck all à rien. Mais faut faire attention par contre, parce que Black Panther, Marvel ont quand même mis énormément d'argent en arrière de ça. Ils ont été chercher... Ouais, mais ça veut dire qu'ils vont juste en printer beaucoup trop puis qu'ils ne vaudra jamais rien. Oui, il y en a printé, mais pas au niveau de l'argent. Moi, je parle au niveau de l'aspect artistique de qualité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été chercher, ça va rien vous dire là, mais il s'appelle Ta-Nehisi Coates, ou Coates, ben oui, qui est un écrivain américain, journaliste et un éducateur. Qui a gagné énormément de prix littéraires. C'est comme une espèce de Sidney Crosby de la littérature américaine. Et ils ont sorti les gros dollars, justement, pour aller donner un peu de sérieux. Donc, ils se sont dit, on va aller chercher du talent externe qui vient pas nécessairement du monde de la BD pour écrire une histoire et donner du sérieux. Et ça se met aussi dans une espèce de convergence avec les films et tout le tralala. Et ils ont été avec une équipe, justement, all black, là. C'est-à-dire, tu sais, Black Panther, avec un écrivain noir qui comprend la réalité de Black Panther. Puis il y a le film Black Panther. On peut-tu prendre un moment pour remercier les Oscars de l'année passée pour tout le black love qui se passe dans les dernières années? Moi, j'ai juste une question. Quand tu dis prendre un écrivain noir qui comprend la réalité de Black Panther, là. OK. La réalité de Black Panther est un prince ultra riche d'un pays qui n'existe pas avec des ressources technologiques incroyables. Toutes les mines du métal le plus précieux et solide au monde. Vibranium, c'est une coche au-dessus de ça. Fait ils ont pris un écrivain qui comprend la réalité de ce personnage-là. J'embarquerai pas dans cette pente glissante-là. OK. Mais honnêtement, au niveau... au niveau commercial, comme Milter en sous-entendait, ça risque d'être un flop. On va pas financer les études universitaires de son enfant en achetant un Black Panther. Mais si on veut suivre une série littéraire de qualité et pas juste ce qui est un peu le running gag de certaines BD de piètre qualité, ça vaut la peine. Mais si on regarde au niveau critique, au niveau artistique, pas juste les ventes, on remarque que malheureusement DC Comics lâche un petit peu, ça drop. On voit que Wonder Woman est là. Il y a eu trois séries de Wonder Woman cette année qui sont sorties. On a eu Earth One avec qui a été écrite par Grant Morrison et dessinée par Yannick Paquet, qu'on aime bien beaucoup, Monsieur de Montréal. Il y a ensuite The Flintstones, qui est une série qui réussit à merveille en ce moment. Car justement, elle est capable d'aller chercher l'espèce d'autodérision, l'espèce de côté comique des cartoons qu'on connaît, là, que tu sais, nos parents écoutaient, mais ils ont réussi à copier ça dans les comic books. Sinon, le reste, dans les tops qui ont été répertoriés à travers tous les différents médias que j'ai pu, on parle de Moon Knight chez Marvel, The Unbeatable Squirrel Girl, Squirrel Little Girl, on n'a pas confondre avec la Squirrel Girl, chez Marvel aussi. On a Black Panther, on a The Punisher, qui vient tout juste de recommencer, qui est très, très, très greedy, très réaliste. The Mighty Thor, qui est en fait l'histoire de Jane Foster. Ceux qui ne savent pas Jane Foster, c'est Natalie Portman dans les films. Jane Foster, c'est pas elle qui... Qui est maintenant Thor. Ah, c'est pas la même... C'est pas la elle même qui joue dans le Silence des Agneaux? Non, je pensais que c'était la même qui était avec les gorilles, là. Non, non. Peut-être que les noms se répètent. Mais Jane on a... Jane Rabbit. On a The Vision qui est genre là en ce moment. On a The Vision qui en fait suit l'histoire de Vision, le personnage androïde qui contient une Power Stone dans le front selon l'univers des films de Marvel. Et le tout est complété par plusieurs livres de Image, dont Seven to Eternity et 80 After Death. Eddie After Death, c'est fait par Scott Snyder qu'on connaît Eddie, bien. Genre After Death. Eddie. Non, A.D. Donc, okay, je veux dire After Death. Pas Iron Maiden. AD. Non. Okay, AD. After Death. C'est comme un genre de pléonasme parce que AD veut dire After Death et 2. After Death. Et un petit clin d'œil à... C'est des jokes littéraires. Oh. Mais un petit clin d'œil à la, ma compagnie fétiche qui est Valiant Comics. Il y a Faith, qui est en fait une super-héros héroïne, en fait, de, qui fait de l'embonpoint et qui s'assume. Et qui a été énormément appréciée dans les cercles de critiques parce que justement, c'est, ça, ça, s'en, ça s'éloignait des stéréotypes de Witchblade et autres nymphettes. Witchblade a fait de l'embonpoint. Et. Dans son petit doigt. Dans son petit doigt, en effet. Je m'en ai, tu sais, des Glenn Catchild, des autres Psylocke ou Rogue, ou, tu sais, on s'entend là, qui ont une shape parfaite avec aucun défaut. Puis, Fate est une espèce de nerd qui geek au bout, qui est vraiment. Obèse. Obèse, on veut le dire. Et qui s'assume, mais qui vole. Elle a son pouvoir, c'est qu'elle peut voler. Mais que côté que j'en. Outre l'aspect qu'elle sort du stéréotype, la qualité du livre est très bonne. Donc, tant mieux, un Valiant et Image qui sont là représentés dans les meilleurs livres de l'année. Il n'y a pas de Gwenpool hein, là-dedans? Non, Gwenpool. Mais en fait, il y a beaucoup de côté humoristique dans Marvel, de Deadpool, Gwenpool ou autre. On a eu aussi Deadpool Back in Black, qui est un genre de clin d'œil à plusieurs choses. Incluant ACDC. Aussi. Sûrement. Dans laquelle tu apprends que Deadpool a été le premier personnage à porter le black suit de Venom avant Spider-Man, mais qui est comme un peu un genre de. C'est pas une réalité, c'est juste drôle, tu sais. C'est comme un peu. Genre de c'est un genre de réalité où ce que, je sais pas, moi, Professor X, il est pris avec du Magneto dans sa tête, puis il tue tous les Avengers. Non, non, ça va pas jusqu'à ce point-là. Ok, ça a déjà arrivé. Oui, oui, ben, on parle de Onslaught et compagnie, de plein de séries. Mais non, c'est. C'est des séries de qualité, mais on parle toujours d'essayer de repousser un peu les limites du médium. Puis AD, After Death, en est un. C'est une bande dessinée qui se rapproche drôlement du roman graphique, mais qui gagne énormément de prix. Puis sur plusieurs ressources, sur plusieurs médias, ils le considèrent comme étant vraiment la BD de l'année, là, parce que justement, elle sort un peu des clichés reconnus. On a eu certaines soumissions des auditeurs aussi également qui ont l'air intéressantes. On a S'enfuir, récit d'un otage. Black Chick Iron Man. En fait, c'est tout simplement Iron Man qui est rendu avec une Black Chick. C'est ça. Dark Knight, A True Batman Story. Ça, c'est assez dark. Paper Girls, deux fois. Très bon. Cell, de Michel Rabagliati. Bloodshot Reborn. S'enfuir, récit d'un otage, Guy Delisle. Et on a Tony Chu, que je sais pas c'est ça quoi. Ça sent un auteur, ça. Tony Chu. Écoute, Guillaume, pour la guise du temps, compte tenu qu'on doit quand même faire nos vœux de 2017, je t'inviterais à nous closer le segment BD. J'arrive à faire des Tony Chu, savoir ça me. Des Chimichurro? Non, j'ai rien trouvé en fait de concret de façon rapide. Je clôturais le segment BD en disant longue vie aux ce qu'on appelle les creator-owned comics, c'est-à-dire des comics créés par leurs propres créateurs qui sortent un peu des grandes lignes. Paper Girls en est un bon exemple. Très très bonne bande dessinée au niveau de la qualité. C'est très différent, donc faut pas s'attendre à avoir du Superman. Et encouragez vos boutiques locales. N'ayez pas peur d'en acheter. Si vous réservez, ramassez-le. Oui, si vous avez une liste surtout. De réserve, allez la chercher. Mais tant mieux parce que justement, ce qui s'en vient, Moon Knight là, en passant, là, moi c'est mon coup de cœur. Je vais commencer à le lire bientôt. J'ai commencé à les mettre de côté. Là. On parle d'un dude genre qui est dans un asile psychiatrique. Là. Puis ça sort vraiment des sentiers battus. Normal. Non, mais c'est comme il refait l'histoire au complet, puis dans le fond, le gars, il est juste. C'est un psychopathe. Genre, dans le fond, il est juste pas tout là, puis il pense qu'il est un BD, puis il joue là-dessus, puis il est peut-être un super-héros, mais il l'est peut-être pas, puis. Ça ressemble à un film de Zack Snyder qui se passe dans un orphelinat pour jeunes filles, ça. Ah, c'est-tu que c'est bon, Sucker Punch, man? Moi, j'ai adoré Sucker Punch. Très bon. Mais non, moi, je vous dirais. On riait un peu de Black Panther tantôt. C'est bien d'encourager les figures de proue, mais. Essayez des fois de sortir des sentiers battus. Essayez un Seven to Eternity. Essayez un Fate. Essayez quelque chose de différent. Puis, ça va, même puis je parle beaucoup de BD américaine, mais essayez aussi BD québécoise. On s'entend, là, je finirai avec ça. Là, dans quelques jours, si ma mémoire est bonne, c'est le 27 janvier à la Quincaillerie. Il y a la sortie, le genre de party de publication du numéro 2 de Turbo Kid. Qui est l'histoire de Skeletron, J'étais intrigué pour deux secondes. Ouais, qui est dessiné par Jack Dion, c'est qui est publié par les éditions Lunac, puis ça vaut la peine. Cool, moi, je vais être là. C'est que si jamais vous nous croisez moi ou quelqu'un d'autre du collectif, ou même juste aller encourager les artisans québécois, allez-y, ça vaut la peine. Merci, Guillaume. Guys, 2017, on est déjà dedans, on a déjà 15 jours de fait, on a deux semaines. Fait qu'on a cassé nos nouvelles chaussures de 2017. C'est quoi vos prévisions pour cette année? Qu'est-ce que vous vous attendez de cette année, selon vous, qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir une autre année où on va perdre plusieurs grands? Est-ce que c'est une année où la politique va nous surprendre? Est-ce que c'est une année où le gaming va fleurir et être super intéressant? Vous vous attendez quoi de 2017? Moi, je dis que vous devez mettre Donald Trump dans votre Deadpool. Dans 5 jours, c'est l'inauguration, fait qu'il risque d'avoir de quoi. Non, mais comme un peu comme Eric dit à cause de ça, mais la politique, ça va être quelque chose cette année. Chaque ouais. petit move va être checké, scruté, et du fake news all the way, ça va être drôle. Il va y avoir autant de morts, d'après moi, que 2016. Ça va juste être de plus en plus, parce que un peu comme tu disais tantôt, André, le monde, il vieillisse, le monde marquant, il y en a eu plus, puis ils vont mourir. Ça va pas s'en aller en diminuant. Gaming, ils vont nous surprendre, d'après moi, avec le VR, avec la Switch, même si ça a l'air de la grosse marde. Ils risquent d'avoir des affaires surprenantes, différentes. Ça s'en va en évoluant. Je m'attends à plein de bonnes séries encore qui vont nous surprendre, des nouveautés. Juste avec Netflix, il y en a déjà une que j'attends qui sort à la fin janvier. C'est Riverdale, que ça s'appelle. Hey, c'est sur Netflix, Riverdale? Ouais, ouais. Me semble, je pensais que c'était CW, moi. Mais ça, en tout cas, je sais pas, mais... Mais CW, ils font beaucoup de partnerships avec Netflix. Ouais, mais ça va être pas live, je donne un exemple là. De 100. Elle mais joue à la télé, après. Puis le lendemain... Peut-être. 24 heures après, c'est sur Netflix, d'habitude, ah, ouais? De 100. Fait qu'il y a beaucoup de parce partnerships. Parce que Riverdale, là... bon call sur Riverdale. Ça va être bon, ça. Et ouais. Moi, une première plainte que j'ai reçue... Un murder story de la CSI, mais... CSI avec Archie, genre, ouais. Tu sais, c'est... Pis ça a l'air plus dark un peu, par exemple, que j'ai vu, mais ça, tu sais, c'est le genre d'affaires qui sort un peu de Archie, justement. C'est un univers qu'on connaît tout, mais là, il y a un meurtre. Puis toi, Guy, tu t'attends quoi de 2017? Moi, 2017, je pense que toute sphère confondue, ça va être encore une fois, puis ça devient de plus en plus le cas. Les gens commencent à demander de la qualité, demandent de plus en plus des films. On parlait tantôt de Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, où ce qu'on veut de l'intelligence. On veut de quoi être réfléchi, pas de facile, mais qui peut être justement box office category, mais intelligent. Que ce soit dans les canaux YouTube, que ce soit dans les jeux vidéo. Moi, j'ai un mot clin d'œil, c'est toutes les exclusives de 2016 ont été delayed à 2017. C'est que j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Mais les jeux, tu sais, des jeux indépendants de qualité, des films de qualité, Blade Runner 2, Star Wars qui s'en vient encore. Il y en a plein dans les BD, c'est pareil dans les livres. C'est les petits joueurs prennent de plus en plus de grosses places. Puis les gros majors, les gros dinosaures acceptent ça et les prennent sous leurs ailes. C'est selon moi, justement, qu'est-ce que tu touches, c'est très bon. Les gros majors, comme tu dis, les grandes boîtes respectent qu'est-ce que le marché veut. Comme un exemple que j'aime dire dans ça, c'est qu'est-ce que Disney... que pendant des années, le monde voit comme une grosse machine à marde, mais ils n'ont jamais été une machine à marde, en fait. Mais quand ça vient à qu'est-ce qu'ils ont fait avec Marvel, quand ça vient à qu'est-ce qu'ils font avec Star Wars, ils respectent qu'est-ce que la clientèle veut de ces produits-là. C'est rare qu'on voit ça. Là, des années, là, tu avais un gros studio là, qui achetait une licence, là. C'était juste pour sortir n'importe quoi vite fait. Là, un gars de Batman. Ben, c'est Mario ça, Bros. Pis... Ben, quel Batman? Les Batman avec Val Kilmer. Ils sont bons, ouais. Ben, c'est parce que l'histoire, là, on pourrait faire une émission complète sur le drama de le premier Batman à Burton jusqu'au quatrième de cette série-là de Schumacher. Il y a du drama backstage qui oui, se passe c'est clair, ça, mais ce que je dis, qui influençait des choses. Comme Batman Forever, par exemple, là, quand tu le regardes avec un peu de recul, là, tu vois vraiment un mélange weird de production Tim Burton et Schumacher qui embarque dedans, comme c'est un weird mélange. Mais là. Ce que je dis, c'est mais je comprends que dans les années 90, début 2000, on se rappelle, tu sais, les films Double Dragon, Dragon Ball, tu sais, les espèces de... Hey, on va Street mettre un Fighter. Nom dessus. Mario qui se promène dans New York, come on. Non, mais dans le sens... Même pas Nintendo ferait ça dans un jeu. Mais dans le sens que souvent, la propriété intellectuelle est pas respectée. Tout simplement, elle est comme prise pour acquis, puis juste on va essayer de prendre le client pour un cave. c'est quelque chose que je vois qui est de moins en moins le cas. Puis moi, je pense qu'en 2017, ça va être une étape de plus là-dedans. Puis c'est vraiment de donner du love à ceux, aux créateurs. Je suis pas juste là parce que nous, on crée avec le podcast, mais que ce soit dans n'importe quel... Mais ils mettent des franchises dans la main des gens qui sont passionnés. Ça, c'est 100% vrai. Puis ça, je trouve ça vraiment hot. Là. Qui aurait cru que... comme qui aurait cru que mettre des franchises de geeks, mettre des franchises un petit peu plus de passionnés dans les mains de ces mêmes passionnés-là fonctionnerait. Puis calice, ça marche. Moi, je pense là, ma prédiction, j'avais d'en faire une là, en 2017, c'est la réémergence de, des films de DC. Parce qu'ils ont changé quelques aspects. Là, au niveau ils ont mis Geoff Johns en tête. Geoff Johns, en gros, ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a comme re-engineered tout l'aspect éditorial des bandes dessinées de DC. C'est lui qui a écrit parmi les livres les plus populaires. Puis il est rendu le chef des films. Il a sa chance. C'est que là, selon moi, là, ça va commencer. Là, on voit les Wonder Woman, les Justice League. Selon moi, là, toutes les... Aquaman. On n'en parlera pas encore de ça parce que c'est pas encore sûr à 100%. Mais ça se remet sur la bonne track, selon moi. Toi, André, t'as l'air de quelqu'un qui a comme... Écoute, c'est... Des c'est, idées... c'est sûr, j'ai plusieurs pistes d'idées, mais c'est tough de se prononcer. Moi, je pense cette année, on va voir un peu la phase d'enfance du VR. On a vu déjà des gens qui ont sorti des drivers pour que le PSVR soit fonctionnel avec un PC. On a déjà vu, on va avoir des dev kits de Oculus qui vont être in store. Il y a les HTC Vive, etc., etc. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de VR cette année. Sauf pas nécessairement juste dans le gaming. Là, on l'a vu, là, le gaming, là, le monde joue à des jeux avec le VR et il aime ça. Mais... il va y avoir de l'application. C'est juste un début, ça. Il va y avoir de l'application pour le VR pour un paquet de trucs. On va avoir la chance, justement, je l'annonce ce soir, j'avais parlé avec Jean-Luc pendant le temps des fêtes. On va avoir un genre d'épisode de VR différent. Notre chroniqueur VR, Jean-Luc, on pourrait quasiment l'appeler comme ça. Donc, au courant de l'année, on va faire un nouveau show. Mais beaucoup de VR en 2017. On va en entendre parler un peu plus. Ça va être beaucoup plus présent, mais dans le quotidien. Le gaming aussi. Beaucoup d'axes sur social, mais pas multiplayer, pas jouer multiplayer, mais le streaming, je pense que ça, on va peut-être voir une apparition de ça dans du médium conventionnel, où la notoriété de Twitch est là, le streaming est là, ben là, ça m'étonnerait pas qu'on ait peut-être sur la télé, tu sais, de l'apparition du streaming de jeux vidéo, ça recommence à revenir un peu. Tu sais, un Video in Arcade Top 10 ou des affaires de même. C'est con à dire, là, mais il va avoir un, ce que tu dis parce un que renouveau de ça. Là. Ce qu'on appelle les médias de masse, tu sais, les télés traditionnelles, réalisent, ils se wake up. Là. Juste à donner un exemple, il y a, je pense, 10 jours, les francs-tireurs faisaient, ils diffusaient leur reportage sur le e-sport. Ouais. Ils étaient là à... On a eu une jeune femme ou une dame, je me souviens pas, mais il y a quelqu'un qui a partagé ce reportage-là des francs-tireurs sur la page du collectif. Allez dans les commentaires sur la page c'est du collectif. C'est sûr qu'ils jouent un peu... Tu sais, Dutrisac va jouer un peu le monon cave, là. Ouais, c'est correct, c'est son personnage. Mais... j'ai bien aimé, ils ont respecté justement le e-sport. Ils ont été au Nexus avec le Monsieur Gentleman, c'est son nom in-game, qui est le caster qui travaille aussi pour RDS. Le gars, c'est une tête là, de e-sport, il sait de quoi qu'il parle. J'aimerais dire qu'il y a bien du monde qui savent de quoi qu'il parle dans l'e-sport. Oui, mais lui, je veux dire, il en parle de façon... il y a bien du monde qui savent comment en parler. Il y a le langage, son langage, son approche marche avec les médias de masse. Je l'aime bien, son nom m'échappe, je me rappelle juste qu'il s'appelle Gentleman dans son nom de in-game. Là. Puis le reportage est quand même bien fait, il fait des petits clins d'œil sur les stéréotypes, les clichés, mais il est vraiment bien fait, il est le fun. En tant que spécialité de connaisseur ou de fan de e-sport, t'apprendras rien, mais c'est le fun de voir que dans les médias de masse, mais en réalité, j'ai l'impression que la trend va arriver, je vous donne un exemple, il y a peut-être 4-5 ans, ESPN avait fait un partnership avec la MLG, puis diffusait les finales de Halo. Donc Halo était à ESPN. Là, on a RDS qui fait un partnership avec EA pour faire jouer des joueurs de hockey à NHL, etc. Donc il y a des trucs qui se passent. Tu sais, je veux pas être trop spécifique parce que quand tu fais des prédictions spécifiques, tu te plantes à 100 000 à l'heure. Mais moi, je dis que le gaming va être dans le média de masse. mais pas juste sur le web. Là, ça va être du média conventionnel. Il va y avoir beaucoup plus de présence dans les journaux. Il va y avoir beaucoup plus de présence à la radio, la télé. Il va y avoir quelque moi, chose. Moi, j'espère, là, aussi, là. Si on est chanceux, le e-sport va devenir tellement bien qu'il va avoir une chaîne télé dédiée aux jeux vidéo. Puis Kevin Pereira va hoster une émission qui s'appelle Arena, où ce que le monde vont jouer des jeux vidéo ensemble un contre l'autre. Donc, on va revenir un peu à Tech TV qui était... On va revenir à G4 en 2004. Non, mais c'est con à dire, mais c'était tellement précurseur. Puis c'était trop avancé, c'était ça. C'était trop avant son temps. Puis c'est con. C'est tellement... C'est, on dirait c'était j'ai weird, cet espoir-là pour 2017. J'ai l'espoir aussi pour 2017. Puis je vais terminer là-dessus pour mes prédictions, là, mais... C'est le VR, le gaming des... Fais-tu un speech en 30 secondes, un peu plus, ouais? Ouais, fait okay. ce que... Continue. C'est-tu la toune de vidéo d'Arcade Top 10? Continue. Nicholas Pickles. Non, c'est pas ça, en blaster le micro. Mais ça valait la peine de l'entendre, par exemple. T'as ça sent le hook. Ok, le hook, il est pas là. Le hook, il est pas là. La version 12 minutes. Mais non, mais je sais pas. J'ai l'impression aussi que, tu sais, on a poussé ces graphiques pendant un paquet d'années. On a poussé sur les nouvelles méthodes de jeu aussi. Il va y avoir un retour à des traditions sources aussi, des bonnes histoires et du bon contenu. Tu sais, je suis chanceux, je vais avoir mon Mass Effect en mars. Puis je vais prendre probablement beaucoup de moments pour jouer à Mass Effect puis vivre l'histoire de Mass Effect, le kit. Sais-tu quoi? Mon autre prédiction, là, puis j'aimerais ça, là, on va avoir des news de Cyberpunk 2027. Le prochain de Red Project. Red Project, là. CD Projekt Red, là, ils vont nous gâter cette année. Là, on va avoir des news de Cyberpunk. Yeah. Puis c'est ce que j'attends, puis c'est mes prédictions. Je pense que ce jeu-là va nous montrer... Quand ma prédiction de Red Sit, là... Ça va être un exclusif Scorpion, ça va juste marcher bien sur Scorpion. Scorpio. C'est Scorpio. Quoi? Moi, j'ai l'impression que ça va être un jeu PC, ça. PC. Là. Ils vont faire, c'est-tu quoi? Tu veux jouer? Joue à l'ordi. Puis sinon, un moment donné, ils vont avoir un port. Ou sinon, stream-le sur ton app de OnLive. Ben, tu sais, avec le Nvidia, on a vu juste Nvidia, là, justement, là, qui font le GeForce On Demand, puis 25$, 20h annoncé au CES. Tu sais, on est chanceux parce que. De faire nos prédictions live, là, on est biaisé un peu parce qu'on a vu le CES, on a vu qu'est-ce qui s'en vient en technologie, tout le kit. Des laptops à trois écrans. Non, mais le gaming va être fucking au-devant. Le gaming va faire avancer la technologie comme la porn a fait avancer le média dans le temps. Tu sais, c'est ça qui est en train de se passer. Ah, c'est ouais. Que le gaming est en avant de la parade, puis développe les technologies, puis défonce les portes. C'est ça, j'ai fini de ratater. Ben c'est bon. Bon, mais bon 2017, tout le monde. Bon 2017, tout le monde. Fini là. Merci pour 2016. Honnêtement, on a eu une super de belle année avec le collectif. On a été un peu plus rocambolesque dans nos sorties d'épisodes. La vie a bougé pour beaucoup d'entre nous. Par contre, ben 2017, on va être avec vous. On va être encore plus fort. On va être encore plus présent. Puis ça nous fait un plaisir de faire ce podcast-là avec vous autres depuis déjà 4 ans, bientôt 5 ans. Donc, guys, avez-vous quelque chose à rajouter à ça? Hashtag Georges Saint-Pierre. Ah, comeback is real. C'est ça? J'avoue que GSP va peut-être faire un comeback. La dernière fois que j'ai vu GSP se battre, c'est quand une des rares fois qu'on a wreck chez Milter, puis j'étais tellement fucking sous que je pensais que j'étais pour être malade dans le char d'André. Mais il a pas été malade. Donc, sur ça, ben, on peut se le permettre parce que ça arrête demain, mais... Bonne année à tous. Merci d'écouter cet épisode-là. Ça fait déjà 2 heures et quelques minutes qu'on vous radote ça dans les oreilles. Vous avez participé avec nous. Un gros merci aux gens qui ont pris le temps de remplir le sondage. C'est vraiment cool de votre part. Vous nous avez partagé vos états d'âme. Donc, nous, ben sur ce, on va se revoir dans 2 semaines pour un prochain enregistrement du collectif. Yay! Bonne soirée à tous. Ciao! Au revoir.